doucement, fais doucement, fais doucement, fais doucement. T'as peu goûté, peu ça dépassé, t'es peu bon, ton langage c'est comment? La sutile, les fumées, les bagarres, la fonce des mes chaussures, fais doucement. T'as des gaines, ta gestu, tes chicots, ta muscu, ton projet c'est comment? Oh, t'es déjà une galère pour ta life. Oh, faut que tu t'arrêtes ici, tu t'en ailles. N'en fais pas trop, faut pas forcer. N'en fais pas trop, faut pas forcer. N'en fais pas trop. Le Before Dance Floor avec Kev sur Radio Mix Floor. Floor, floor. You gotta trust me, love. Ce sont le son de Donatti à l'instant. Bienvenue tout le monde, on est ensemble jusqu'à 23h, welcome. Du lundi au jeudi, 21h, 23h, Alex Librantel sur Radio Mix Floor. Allez, merci d'être avec nous évidemment ce soir jusqu'à 23h, c'est parti. Alex Libre Antenne, je m'appelle Alex, on est parti évidemment jusqu'à 23h, 2h de foire. Si vous avez passé une journée de merde au boulot, voilà, à l'école, au bahut évidemment, et bah connectez-vous radiomixfort.fr comme chaque soir du lundi au jeudi 21h, 23h. Alex Libre Antenne avec du très très lourd ce soir en ce mercredi. Mercredi comme on dit, jour des enfants, dur comme ça. Bah justement, en parlant d'enfants, on va dire bonjour à Ben, ça va Ben? Ouais, ça va. Ah bah écoute, c'est bien, très bien. Ben il nous a mis un t-shirt de l'Olympique Lyonnais alors qu'ils ont perdu hier. Mais bon, c'est pas assez. Veste, ils ont perdu hier. Il y a Jojo qui est avec nous ce soir. Ça va, ton micro il va pas. Ton micro il traverse surtout. Oui, c'est normal, il y a quelqu'un qui l'a déréglé. Tu vas tout dérégler. J'entends rien dans le casque. C'est pas possible. C'est bordel. Et puis on a Quentin qui est avec nous. Oui, bonsoir. Ça va bien? Ça va super. Et toi? Ça va très bien, merci. Oui. On est parti évidemment jusqu'à 23h ici même. Je vous dis, on est énervé ce soir. Ouais. On fera un petit tour ce soir avec la Ligue des Champions avec notre ami Ben. Yes. Lyon qui a perdu 1-0 hier. Le Lyon est mort hier soir. Ah oui. Il est deg. Franchement, enlève peut-être ta veste. Non, il est au bout du monde. Oui, je vous emmerde. Allez, arrêtez. Wallon a perdu. On aura un faux talk tout à l'heure avec Quentin. Oui. On aura la minute gaming avec notre ami Ben. Ouais. On aura la question du soir. On aura le coup de gueule dans quelques instants de Jojo. Bah oui. On aura le top ou flop, on aura le canular du jour. Le canular, vous avez vu, on l'avait fait avec Star Wars. Oui. Pôle emploi, on l'avait fait notamment avec avec notamment voilà. Bah, le machin. Bryce Denice. Bryce Denice. Avec Bryce Denice. Avec Bryce Denice. Et là, on l'a fait avec le camping des Flots Bleus, avec Patrick Chirac, alias Franck Dubosc. Ouais, Ben. Je voulais dire que le PSG perdait déjà 1-0. On en a rien à foutre. Combien de minutes de jeu? 18. Ah là là. Paris en très mauvais espace en ce moment. 18 minutes. 18 minutes de jeu, le Paris Saint-Germain perd 1-0. Tu peux parler plus fort, on entend rien. Mais... Pourtant, il y a le micro à l'âle. Vraie mouche. Bah ouais, pourtant, j'ai le micro à l'âle. Ah, mais sinon, attends. Ah ouais, c'est parce qu'attends. Ouais, putain, gars, allez, ouais, ouais, toi, t'as pas mis les micros. Hein. Si, si, mais c'est parce que d'habitude, il est réglé au même point que Al. Mais... Est-ce que moi, on m'entend bien? Oui, bah toi, on t'entend bien. Oh, ok, ça va. C'est parce que c'est Ben, il parle pas fort. Il... Non, c'est surtout que j'ai pas de casque, j'ai que la truc de retour. On aura deux plaintes. Bon, là, on dirait évidemment jusqu'à 23h, on aura le canular, comme on l'a dit, on appellera le camping des Flots Bleus. Ça sera tout à l'heure. Bon, en tout cas, votre journée s'est bien passée. On va faire un petit tour par Jojo. Jojo, ouais, ta journée bien. S'est bien passée en ce réunion, mercredi. Réunion. Mercredi, jour des raviolis, jour des spaghettis, c'est le jour des enfants. Ouais, ça se passe bien. Ah bah, c'est bien. T'as fait que des réunions aujourd'hui, c'est ça? Ouais. Oh, c'est bien. Il y a plusieurs projets, donc. Projet. On travaille dessus. Avec Radio Mix, là. Oui. Ouais, évidemment. Ben, ta journée s'est bien passée? Bon, là, ouais, j'ai dormi jusqu'à 18 ans. Non, même pas. Non, j'ai cherché du taf sur Internet. Sur Internet. Il cherchait du taf sur le bon coin. J'ai la flemme de me déplacer, alors je cherchais sur Internet. Oh, ouais. Toi, ouais. Il a eu du mal à dormir hier. Ah, mais tu cherchais du taf quoi? Hein? T'es sur Pôle emploi.fr? Non, dans, bah, surtout. Ah, je cherchais pour les sur jeux vidéo. Indeed. T'as cherché quoi? Tes stores de jeux vidéo? Pour le jeu vidéo. Non, j'ai déjà regardé, mais il faut un bac. Bah, t'as pas un bac à carbone. La barbecue apéro chips. Ok, et donc t'as regardé quoi? T'as trouvé quelque chose? Non. Bah, si, mais des trucs qu'il fallait un bac. Ou ah, travailler chez McDo quoi. Ah, tu sais, McDo, ils recrutent. Hein. Ouais, c'est vrai. Ils prennent, il n'y a pas besoin de diplôme. Hein, les ah, bah non, tu penses ça. Alors, après, il va travailler à McDo, il va plus pouvoir venir ici alimenter puisque c'est service du soir. Mais comme ça, il pourra nous ramener des hamburgers. Ça, c'est vrai. D'ailleurs, bah, il y a un droit encore des hamburgers. Là. Il connaît ça, il va piquer des hamburgers à McDo, les aura vendus au noir. C'est pour là. Ah, ouais, lui, c'est sûr. Un chacal. Hey, je te le ramène 3 euros au lieu de 2 euros. Mais ce mot d'hamburger, c'est pour la radio. Ouais. Voilà, c'est saloperie, ça. Bon, en tout cas, soyez bienvenus là, jusqu'à 23h. Quentin, ta journée s'est bien passée? Oh, bah, impeccable. Eh ben, on va préparer la petite émission de ce soir. Ah, bah, c'est Patrick là. Ah, bah, voilà, tu t'es dédié en tout cas. On a préparé l'émission de ce soir. On a préparé des canulars là pour ce soir. On va faire un petit canular aussi tout à l'heure. Ah, c'était lui qui bougeait. C'était lui qui bougeait. Attendez, ouais. Moi aussi. Je me suis dit, putain, il y a une chouette. Ah, d'ailleurs, on va. Ah, c'est la chouette musique. En parlant de chouette, tout à l'heure, il y aura des corbeaux qui vont apparaître dans le studio. Ah, ouais, ouais, les corbeaux. Ouais, tout à l'heure. Mon dieu, je vais faire les corbeaux. Ah, non, c'est vrai, on va appeler monsieur ou madame corbeau là tout à l'heure. Ah bon. Donc voilà, ça sera tout à l'heure. Voilà, ça sera tout à l'heure. Aïe, aïe, aïe. Ah, tu m'as mis Eric là. J'ai commencé à me branler, ouais. Ouais, bah c'est bien Eric. Voilà, Eric, ça sera le retour lundi, comme chaque lundi soir, l'appel des pervers. Bon, et évidemment, vos sons préférés, on aura Binta tout à l'heure. Quelle vie la nuit, c'est une bombe, c'est une kamikaze. Soleil le minuit, elle fait tomber les ombres sous son blâme. Ce sera évidemment dans quelques instants Alonso Binta. On a également mon son du moment. Pile poil de quoi quitter la ville. Les mecs m'embrassent comme si j'étais la mif. Ta sœur est belle, tu forces la bise. Je chante depuis Big. Et d'ailleurs, Jojo a un petit coup de gueule auprès de Quentin déjà. À peine que l'émission est déjà arrivée, Jojo commence à gueuler après son casque, après qu'on lui piquait sa place. Non, mais j'explique, ouais, déjà, c'est ma place attitrée ici, tu vois. Moi, je fais un peu mon Mathieu Delormeau. Personnellement, ma place, je vois elle pas attitrée. Ton nom sur la chaise. Voilà. Oh là là, le clard. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je vois pas ton nom sur la chaise. Ouais, et bah, j'ai dit, je l'ai dit. Il a dit, ça l'enculé d'ailleurs. Je l'ai dit que c'était ma place. Ça se sera entendu, ça, je pense. Espèce de connard. En même temps, on est à deux sur une grande table et lui, il est derrière, tu vois, parce qu'il veut être en hauteur, tu vois, faire le. Avec Quentin, il aime bien être derrière lui. Ouais. Oh oui, on sera le plus nouveau cachemire là, tout à l'heure. Là. Ça démarque évidemment, gros son. Allez, on sera. Allez, on sera Nicky Jam aussi. Ça ira tout à l'heure, en tout cas un max de son dance floor, c'est ici jusqu'à 23h de quoi? On dirait une danse de pervers que tu fais là. Ouais, je fais la danse du MHD sur Nicky Jam moi. Ouais, je suis chaud là. Ouais, je suis pas là pour vendre des cravates ce soir. Bon, en tout cas, soyez bienvenus tout le monde jusqu'à 23h, on est là. J'espère que vous avez passé une très très bonne soirée. Bah, nous en tout cas, on est là jusqu'à 23h, on lâche rien et tout nouveau. Fédère pour débuter cette soirée, bienvenue. And once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold the highest truth. And once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold the highest truth. Nothing to it, I just do it. Nothing but love under the sun. Uh-huh. And once we run the show, sure, everyone will know, sure, we will be the ones that hold the highest truth. Sure. And once we run the show, sure, everyone will know, sure, that we will be the ones that hold the highest truth. Uh-huh. In my heart, a rain of light that lights up the dark. When I step to it, I just do it. Nothing but love under the sun. Uh-huh. And once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold the highest truth. And once we run the show, sure, everyone will know, sure, that we will be the ones that hold the highest. Allez, bonne soirée, le son de Feder à l'instant avec l'ordi en direct évidemment jusqu'à 23h, on est là, on bouge pas. Jusqu'à 23h, pile poil de quoi quitter la ville, les mecs m'embrassent comme si j'étais la mif. Allez, merci en tout cas de passer la soirée avec nous, hein. On est là jusqu'à 23h, on lâche rien, c'est mercredi évidemment on fera gagner des cadeaux tout à l'heure, on vous l'avait promis, on a plein de cadeaux à vous offrir, on a des écouteurs, on a des places pour l'inox, on a mis un petit jeu tout à l'heure aussi pour gagner des places pour le RC Lens, ça se passe vendredi, si vous voulez tenter de gagner vos places pour le RC Lens contre le Red Star FC vendredi du côté du Stade Bollard, et ben allez sur la page Facebook Radio Mixflore, n'hésitez pas à commenter et partager le statut. Voilà, en tout cas on est là ensemble, il y a Jojo qui est avec nous ce soir, oui, il y a Ben qui est avec nous également, ouais, et il y a Quentin également qui est avec nous. Ouais, je suis là, ouais. On est là ensemble et on va démarrer cette émission à 21h11 avec le coup de gueule de Jojo et le coup de cœur. Alors le coup de gueule, alors c'est un coup de cœur, coup de gueule sur l'émission d'hier soir, parce que j'ai regardé hier soir l'émission de Chamerois sur W9, c'était alors, la première. Alors c'était bien ou pas? Alors un beau plateau télé, mais un très très dur lancement. Il a été très très long à lancer l'émission et après il s'est vraiment lâché. Parce qu'il long était... c'est-à-dire? Ben, il était un petit peu coincé, un petit peu, tu vois, c'était en direct. Donc, ah, c'était en direct. Voilà, donc c'était une émission, le stress, tout ça. C'est mais bizarre qu'il démarre l'émission un mardi. Ouais, mais... Il démarre un lundi. Bon, c'est parce que peut-être que, je sais pas, lundi travaille pas, j'en sais rien. Mais j'ai regardé jusqu'au bout l'émission, parce que j'étais intrigué quand même de savoir. On retrouve le Bertrand qu'on avait dans TPMP. Ouais. Mais là, c'est... Alors l'invité, je sais plus comment il s'appelle, mais je sais qu'il est connu. Lagache, c'était Guy Lagache, je crois, ouais, un truc comme ça. Il lui a dit d'enlever sa cravate et d'ouvrir sa veste et compagnie. Donc il s'est lâché et après ça a été beaucoup mieux. Et c'est une bonne émission. Après c'est les directs qui étaient un peu chelous en fait. Il y avait des directs. Mais parce elle que parle de quoi son émission, ouais, voilà. C'est tout décalé. tout ce qui est décalé. Parce que par exemple, ils ont fait voir Paris, donc la pub de Paris, la belle ville, etc., etc. Et en fait, eux, ils ont fait voir, bah non, Paris, c'est pas ça, c'est les poubelles qui traînent partout, c'est les manifs, okay. etc. Donc c'est un vraiment, peu décalé en fait. C'est vraiment c'est décalé. Ça. Donc okay. c'est, en fait, c'est l'info retournée en fait. C'est ça. C'est tout ce que nous, on nous montre de beau, et ben, des moments, c'est pas beau et vice versa, quoi. Okay. Donc je pense que ça va marcher ouais. Okay. Ouais, je pense que ça va marcher. Donc c'est sur W9, c'est ça? Ouais, sur W9. Donc c'était une première, donc voilà. Et après j'ai un coup de gueule. C'est un truc qui m'énerve. Mais alors moi j'ai pas le permis hein. Mais c'est un truc qui m'énerve, c'est les gens. En fait quand ils s'arrêtent à un feu rouge, ouais. La plupart ils se grattent, enfin ils se mettent les doigts dans le nez quoi. Ah. Tu vois, c'est connu depuis longtemps. Voilà. Mais comme j'avais pas préparé d'autres coups de gueule, donc et que vous avez pas voulu m'aider, donc. Ouais, de quoi t'aider? Attends, c'est ta rubrique, c'est pas la note. Hein. J'ai pas eu le temps. Ah. Ouais, c'est ça. Alors l'autre, et l'autre. Non, bon, on va pas te torcher le cul le matin quand t'as besoin de nous. Attends, il fait. Excuse-moi, l'autre, la dernière fois, il avait préparé trois trucs, il les a gardés pour cette semaine. Hein? L'autre, il avait préparé trois trucs et on dit. Non, j'en avais préparé qu'une déjà. Toi déjà, tais-toi parce que il m'énerve avec sa veste. Ça, c'est un coup de gueule. Non mais c'était tout. Ok, et ben voilà, tout est voilà. dit. C'était le coup de gueule de Jojo, en tout cas n'hésitez pas parce que monsieur a sa page officielle. Hein, ouais, enfin. Ah non, il y a aussi un coup de cœur. Non mais c'est vraiment un coup de cœur rapide. Là actuellement, il y a sur les réseaux, ils sont en train de faire de paraître une pub. Ouais. Tu sais, l'autre il se gratte le nez. L'autre il se gratte le nez. Il le doigt dans son nez. Ils font une pub sur le cyberharcèlement qui est très très bien faite. On la partagera ce soir. C'est super okay. bien. Non, c'est important le cyberharcèlement ah ouais. parce que ça, il y a des jeunes qui se suicident. Ouais, et tout la ça. Pub, j'ai vu sur TF1 avec une ouais. meuf là, ouais. qui discute avec un gars. Et franchement, elle est super okay, bien. Ouais. Donc voilà. Bah, faites voilà. attention à vous sur les réseaux. Internet, il se passe beaucoup de choses. Ouais. Voilà. Montrez pas votre cul, sinon après, on a des photos. Parce que moi, j'ai des photos de toi où tu montres ton cul avec des photos. Cul, ouais. Ah tiens, alors, tiens, je vais balancer le dossier. Ouais, bah, t'as arrêté de le balancer. Hein? Arrête de le balancer. De quoi t'as balancé? Bah, vous avez balancé sur moi? Bah, t'es gueule, t'as balancé, c'était une vidéo! Bah, là, ça vidéo. Tout le monde a dit que t'animais bien! Bah, ouais, bah, en même temps, il dit bonjour! Enfin, voilà. J'ai juste dit bonjour, excuse-moi, mais. Salut le petit loup! C'est ça, voilà. On a balancé une vidéo sur la page Facebook Radio Mix Floor. Quoi, sur la page? Ouais! Non, mais pas sur la page. Ah non, on peut le renvoyer sur la page, on l'a même pas. Non, ouais. non, non, mais t'inquiète, elle tourne déjà bien la vidéo. Ok. Elle tourne bien. Bah, elle tourne dans la vidéo, ouais. Ouais. Pas Ben. Ben. Bon, merci en tout cas de passer la soirée avec nous. On est là jusqu'à 23h. On lâche rien. Dans quelques instants, on sera. Bah, tiens, on s'appellera là les. Qu'est-ce qu'il y a pour qui rigole lui? Quoi, ton chien anglais? Qu'est-ce qu'il y a pour qui rigole? Ben, il est à moitié. Je sais pas, il me regarde, il rigole. Il a rigolé avec son nez. Il a rigolé avec son nez. Il a lâché de l'amour. C'est dans le micro-hall en plus. Ah bah, il y a eu des trucs. Ah ouais. Allez, il va arriver en courant. Passe-partout, il arrive. C'est vrai qu'il y a long pif, Ben. Hein, on pourrait faire cuire des œufs de dinde. Bah, vas-y, du que je suis Gilles Verdez. Hein, du que je suis Gilles Verdez. Oh, t'es presque. Hein. Peut-être son fils, non? Ouais. Oh, en plus, toi, ça va, tu ressembles un peu. Petit Gilou avec son petit accordéon. Bon, bah, en tout cas, bah, merci de passer la soirée avec nous. On appellera tout à l'heure des corbeaux là. Ouais. Des monsieur et madame corbeaux. Mais c'est un corbeau. On verra ce que ça donne. On appellera tout à l'heure des corbeaux là. On a préparé les petits sons là. Ce sera évidemment tout à l'heure. Reste avec nous, on est là jusqu'à 23h. On lâche rien, on se fait dans quelques instants. Nicky Jam là. Ça arrive dans moins de 3 minutes. Je sais que vous l'adorez le son. Et nous aussi, on l'aime bien. Allez, merci en tout cas de passer la soirée avec nous. On est là jusqu'à 23h. Un max de son dance floor. C'est ici même, sur Radio Mix Floor. Alex Libre Antenne jusqu'à 23h. A tout de suite. Radio Mix Floor. Un max de son dance floor. Une cible facile, une maison isolée. Il est aveugle? Ça va être du gâteau. Jusqu'à ce qu'il s'y entre. Qui est là? Par le réalisateur de Evil Dead et le producteur Sam Raimi. Tom Brave, la maison des ténèbres. Numéro 1 au box-office américain. Tom Brave, la maison des ténèbres. Le 5 octobre au cinéma. Ceci est un message mythique réservé aux célibataires. Pourquoi? Parce que vous, les célibataires, vous savez bien que ce n'est pas ce matin que vous allez rencontrer quelqu'un au boulot. Et surtout pas la photocopieuse. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec Mythic, la bonne personne, vous pouvez la rencontrer partout et surtout ailleurs. Mythic, voyez plus grand pour vos rencontres. Radio Mixplore. Linox Club, le club de la Côte d'Opale. 3 salles, 3 sons, 3 ambiances. Electro Dance Floor, généraliste, hip-hop, R&B. Vendredi et samedi de minuit à 6h. Gratuit avant 1h. Parking sécurisé. C'est à Gravelines que ça se passe. Autoroute A16, sortie Gravelines. Rendez-vous dès ce week-end dans votre club. Inox Club. Retrouvez l'actu du club sur Facebook Inox Club. Je connais des personnes qui vivent avec le VIH. Avec l'une d'entre elles, je risque de tomber amoureux.

La bite, enfin il y a plein de noms chelous. La Madame Moule aussi. Ouais ouais. Donc ouais après t'as plein de noms Monsieur bizarres. Monsieur Q, étiez... non c'est vrai. Hein. Non mais en vrai ouais vous êtes déjà tombé Ben t'es déjà tombé sur des noms bizarres comme ça. Non franchement non. Non. Ok bon bah en tout cas. Y a que moi en fait. Hein? Y a que moi. Ouais voilà c'est ça. Ah ouais. Si. Ah, j'avais une maîtresse qui s'appelait Madame Siri. Ah j'ai compris une maîtresse. Comment elle s'appelait? Siri. Siri. Ouais. Bah c'est. Oh, ça va encore. Ouais, ça va encore. Bah ça fait penser au pays la... Ah c'est la Syrie. Ah c'est la Syrie. Ah mais, là, t'es... Bah, mais ça fait tu vois un peu le rapprochement quoi. Ouais. Ouais bon ouais, c'est toi qui vois. Bon cet après-midi on a profité de passer des coups de téléphone un peu à tout le monde et on a voulu appeler des corbeaux. 21h24 on a voulu appeler des corbeaux et cet après-midi on est tombé sur un bon petit corbeau. Du coup on a appelé l'appel des corbeaux. Du coup on appelle c'est parti on a appelé on est tombé sur un monsieur un peu vénère. On appelle c'est tout de suite l'appel des corbeaux. Alors direct. Allô. Allô Pierre. Oui bonjour. Oui bonjour, je suis votre voisin là. J'habite à côté de chez vous là, à l'avenue José Saquière. Ouais. Oui, je vous dérange pas? Non non pas du tout. Non non voilà j'ai un petit souci voilà parce que ça fait un moment que là ma pelouse elle est un peu dégradée. Et je pense que c'est enfin moi en tout cas les voisins m'ont dit que c'était un peu de votre faute. Je comprends pas là. Bah, parce que en fait j'ai. Vous êtes mon voisin d'où? Bah, je sais pas si vous voyez là, avenue José Saquière, là, je sais pas si vous voyez sur le coin. Mais j'habite pas là, moi. Non, je sais, vous êtes côté Henri Sapia, là, c'est ça, là. Oui, c'est ouais, ça. Bah, c'est ça, ouais, bah, moi j'habite un peu plus loin, là. D'accord. Et j'aimerais que vous arrêtiez de taper des pattes pour ramener des vers de terre, quoi. Oui, allez-y, je vous écoute. Ah voilà, non, c'est parce que voilà, la pelouse est dégradée à cause de ça, quoi. C'est corbeau. C'est corbeau. Quoi qui est dégradé? Bah ma pelouse. C'est corbeau. La pelouse. Oui. Vous arrêtez pas de tapoter des pattes. Non mais je crois que vous. Et ça ramène des erreurs, monsieur. Ça ramène des vers de terre avec vos pattes. Du coup, monsieur corbeau, faut se calmer. Mais les pattes de quoi? Bah vos jambes. Vos pattes. Corbeau. Non mais je marche sur aucune pelouse. J'habite dans un bâtiment, moi. Il y a pas de. Non mais justement, ma pelouse à moi, Monsieur Corbeau. Monsieur Corbeau. Allô. Monsieur Corbeau. Oui, je vous écoute. Ouais, non mais faut arrêter là, le tapoter des pattes là. Et. Mais quoi, tapoter des pattes? J'aimerais aussi que vous arrêtiez d'envoyer des lettres anonymes, hein. Monsieur Corbeau. Bon, écoutez, moi, vous savez quoi? Oui. Je vais vous. On va se donner un rendez-vous. Et ben, là, je pense que vous faites erreur là. Un rendez-vous pourquoi, Monsieur Corbeau? Mais des lettres anonymes et tout le bordel. Non, mais qu'est-ce que j'ai autre chose à foutre que d'envoyer des lettres anonymes? Monsieur Corbeau, faut arrêter de parler avec le renard là. Moi, je souhaite parler qu'à vous, Monsieur Corbeau. Bon, allez, c'est super, c'est une bonne plaisanterie, mais. Non, mais Monsieur Corbeau. Si vous savez où j'habite, venez me voir, on discutera, ok? Non, là, j'ai pas le temps, j'ai autre chose à faire. Mais Monsieur Corbeau, je souhaite vous parler avec le renard. Ah, il a raccroché, hein. Et voilà les appels de Monsieur Corbeau en direct évidemment. Pas mal ce Tom hein, finalement. Ouais. Il était sympa Monsieur Corbeau. Ah, l'aime bien Monsieur Corbeau. Il comprenait pas pourquoi on lui parlait de ses pattes. Il avait pas compris le rapprochement avec. J'avais pas dans l'air. Au départ, j'avais pas compris non plus moi. Hein? Au départ, j'avais pas compris non plus. Parce que c'est un corbeau. Ah ouais, mais c'est après que j'ai compris. Il marche sur ses pattes quoi. Hein? Bah oui. Puis après, on a dit la lettre anonyme, la lettre du corbeau. Puis après, le renard. Le corbeau et le renard. Ouais. T'aurais pu rajouter, vous arrêtez aussi de nous de jeter du camembert quoi. Ah ouais, bah comment? Ah oui. Vous savez que Quentin, c'est Quentin qui prépare tous les scénarios hein, donc, bon. De Monsieur Corbeau. Il faut le savoir, mais en direct évidemment. Et on va essayer de faire chaque semaine des prénoms différents. Là, Quentin il était parti aux Adélias cet après-midi, vous l'appelez Monsieur Renard. Lui, il était parti quand même. Les femmes de la Fontaine, lui. Après le corbeau et le renard, quoi. Voilà. On fera la tortue et le lièvre. et Monsieur Cochon. Bon, voilà, en tout cas, merci de passer la soirée avec nous. On fera le top ou flop dans quelques instants. On fera aussi alors, le canular hein, tout à l'heure. On sera le camping des flots bleus. Avec Patrick Chirac, là. On est tombé sur. On a appelé le vrai camping des flots bleus, hein, il existe, hein. On sera la question du soir. C'est quoi la question du soir, Quentin? C'est quoi votre plus pire vengeance là? Voilà. Non, c'est bien. C'est bien. Je vous l'ai bien préparé. Bah, c'est ça. Normal. Il a bien préparé son émission. C'est bien ça. Mais votre plus pire, il y en a pas pareil, il y a juste à regarder sur Facebook. Quelles sont vos pires vengeances? Quelles sont vos pires vengeances? Et ben on en parle évidemment, n'hésitez pas à réagir là sur Facebook, ça a été mis tout à l'heure sur le compte Alex Prévost. Quelles sont vos pires vengeances? Et n'hésitez pas à commenter en tout cas. Et puis évidemment, si vous voulez gagner vos places pour Lance Red Star, c'est ça? Ouais. Si vendredi, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook Radio Mixeur pour commenter, partager. On a plein de cadeaux aussi à vous offrir dès ce soir, dès demain, etc. On va peut-être mettre un jeu en place tout à l'heure. On a des écouteurs à vous faire gagner, on a des places pour l'Inox Club. Ouais. Également, mais ferme ta gueule. Quel connard lui. On est en direct évidemment jusqu'à 23h, ça se passe comme ça. J'ai envie de saucisson. WM, ah bah il y a un défi qui arrive juste après avec les saucissons. Bienvenue. Chacune de nos sorties se fait les mains gâtées. Les grands de ce lien me voient ou veulent engranger. KO2P m'a dit interdit de te mélanger. Passe pas dans ma URI si c'est toi l'étranger. Mes ennemis veulent ma mort mais j'en ai rien à branler. Y'a que le JB qui peut niquer ma santé. Si c'est pour ma daronne je peux crever le monde entier. Torchon dans la taille et ces putains vont danser. Les petits ont des soirée. Le son de PWM à l'instant en direct évidemment jusqu'à 23h, on est là. Merci d'être avec nous là. Everybody. En direct évidemment jusqu'à 23h, il y a Jojo qui est avec nous ce soir. Oui. Il y a Ben qui est avec nous. Il y a Quentin également qui est avec nous. On est ensemble jusqu'à 23h. Alors en parlant de saucisson là. Oui. Ah, on fait un petit point avec des champions là vite fait. Oh là, il faut qu'il y ait un nouvel Stroger. Allez. Ah, la maison d'Harry Potter est en vente, vous savez, est à vente. Hein? À vente. La maison d'Harry Potter est à vendre. Oui. Vous le savez ça? Oui, on s'en fout. À votre avis, combien, quel prix elle est vendue? Oh. En livres, évidemment, parce que c'est anglais. T'as vu? Je sais rien. Qu'est-ce pris? M'en fous. Ouais, 200 livres, non? Plus. Non, 200 000, je veux dire. 200 000 livres, évidemment. 30 millions. Non, 30 millions là, t'as vu pas. Bah quoi? C'est une maison. Je sais pas, c'est à 100 000. Alors c'est la maison d'Harry Potter. 17 000 livres. Bon, enfin, c'est bon, hein. 17 000 livres. 17 000? Oui. Bon, ça fait 20 000 euros, c'est rien, 20 000 euros pour une maison. Bah alors qu'est-ce que vous fait chier? Non, mais lui alors. Il est déjà dans les 100 000. Ah, 25 000 livres alors. Non, mais 25 000, putain, lui il est déjà les 100 000, t'achètes pas une baraque 25 000 euros en France. Ouais, 500 000. 300 000. 500 000. Ah, t'es pas loin. Ah, on parle 575 000 livres. Non, un peu moins. On est à 553 000 livres. Ce qui est égal à alors, plus un peu moins 600 000 euros en euros. Okay. Et par contre, ils ont dans la très belle maison. Hein, j'ai pu voir les photos. Ils ont laissé le placard où il y a Harry Potter. Ils ont été dedans. Quoi. D'accord. Et par contre, sur l'annonce de l'immobilier, ils ont pas dit qu'il y avait un film qui était tourné dedans. Alors que tout le monde sait que. Bah oui. D'accord. Donc, là, Harry Potter était dedans. Ça, hein? La maison des. Des Potter. Bah, non. Les gens du quartier là. On les appelle comment? Bah, okay. Les quartiers d'Ian. Les quartiers Potter. Les Moldus. Ah, les Moldus. Ah non, mais ça, c'est pas un quartier. Ça, c'est non, je sais, c'est les gens. Les Moldus, c'est que les gens qui n'ont pas de pouvoir magique en fait. Ouais, ouais, je sais. Ah non, mais pas de problème. Quand j'appelle comme ça. Non, ça va, Quentin. C'est le quartier des Moldus. Bah voilà. Ça va. Alors, ta gueule. Alors justement, avant d'attaquer le sujet, évidemment, j'aurai un truc qui va arriver avec les saucissons dans quelques instants, parce qu'on arrête pas de parler de saucissons, etc. On va faire un truc dans quelques instants. Mais avant ça, je l'avais promis, on va faire la question du soir. La question du soir, quelles sont vos pires vengeances? Quelles sont vos pires vengeances? On va commencer par Ben. Ben. Oui. Ben, quelles sont tes pires vengeances? Attends, j'étais pas préparé là. Ouais, non, Eli a 3G, la 2G, la 6G, Eli. Il est pas préparé. Non, mais par contre, il a pas trouvé le point G, mais bon. Ouais. Elle est pas mal. Allez, vas-y. Tes pires vengeances, t'as déjà fait des. Mais pourquoi t'as regardé ton portable? C'est dans ta tête, non? Bah non, mais ça c'est pour le foot. Ah, pour le foot, pardon, toi pour moi. Le foot, c'est quoi? Le PSG, c'est la mi-temps, ça fait 1-1. Arsenal gagne 2-0. Le Beşiktaş contre Dynamo, c'est 1-0 pour le Beşiktaş. Pourquoi ils ont des noms de merde aussi. Naples gagne 1-0 face à Benfica. Ouais. Le FC Barcelone perd 1-0 face au Borussia. Parle devant ton micro, s'il te plaît. Ben. Ah bah, je suis devant le micro. Non, t'es à côté. Ferme-la, toi. Je vois ta bouche. Alors. Le Barça perd 1-0 contre Mönchengladbach. Ouais. Ah, il perd 1-0. À tes souhaits. Celtic 2-2 face à Manchester. Ah là là. L'Atletico gagne 1-0 face au Bayern. Ah là là. Et le PSV contre le Rostov 2-2. Ouais. Des champions, hein. 9-3, ça a Champions League. Ok, bah voilà, en tout cas, on se fera un petit point tout à l'heure, évidemment. Alors, quelles sont vos pires vengeances, Ben, quelles sont tes pires vengeances? Bah, je sais pas. Ok, bah, Jojo. Moi, j'ai fêté mon anniversaire il y a un petit moment déjà en arrière. Et, t'as fêté quel âge? 25. Non, il y a un moment, donc j'ai. Tu m'as pas qu'il y a quand j'avais 37. Hein? Non, j'ai pas 37. 37 déjà. Ans, non. J'ai 36 ans déjà. Ah, 36 ans? Ouais, ça se voit pas. Hein. Ah, non, c'est vrai, c'est... C'est normal, que... c'est l'alcool, ça conserve. À voir avec modération, bien sûr. Que je ne connais toujours pas. Non, en fait, on m'avait piégé à mon anniversaire. Par contre, Ben, il boit pas d'alcool, mais par contre, lui, ça le vieillit à mort. C'est clair. C'est quoi? Bah, lui, plus il dort, plus il vieillit. Il est rouge écarlate. Ouais, et donc, con, va. gueule. Et donc. Ah ça m'énerve. Et en fait, on m'avait fait un sale coup à mon anniversaire. Tout le monde n'était pas venu, etc., etc. Donc j'étais très, très en colère. Et qui n'était pas venu, c'était combien tous des potes, tout ça. Voilà, enfin, plein de potes, tout ça. Et en fait, on avait collé sur ma façade. Non, mais c'est vrai, c'est pas des conneries. Sur ma façade, ici, Jojo. Le clown paye son coup à tous ceux qui sonnent chez lui. Et moi, je l'avais pas vu en fait sur la façade. Et en fait, c'est un pote. Savoir que t'es clown aussi. Voilà, c'est un pote qui a, c'est un pote qui a une société de toiture. Enfin bref. Et donc du coup, donc j'étais un peu en colère. Il a fait ça comment alors du coup? Alors en fait, ils sont venus dans la nuit, voilà, et ils ont collé la bâche. Enfin, ils sont venus avec un truc de genre de nacelle, j'en sais rien. Ils ont mis la bâche en fait. Et comme j'habitais sur le boulevard, donc tout le monde le voyait. Ah ouais. Tu comprends? Et t'habites un appartement, une baraque? Oui, un appartement. Mais donc moi, bon ben voilà, je dormais, etc. Et donc ça sonnait tout ça et personne venait à mon anniversaire, donc j'étais un peu en colère. Et en fait, bon, ils m'ont fait une grosse surprise à la fin. Et du coup, moi, je me suis vengé. Donc il y a eu son anniversaire aussi. Sauf que moi, je suis arrivé avec plein de potes et on a fait un feu d'artifice chez lui. Oh, c'est ça. Alors on a fait péter des pétards mitraillettes, donc il y en avait plus de 5000, on avait eu ça dans des magasins, machin. Et on a fait des feux d'artifice dans son jardin qui n'était pas au courant. Et il y a eu la gendarmerie, etc. Et nous, on s'est barrés. Une belle vengeance. Donc, si vous me faites chier, je vous préviens, je peux vous faire n'importe quoi. Okay. Parce que moi, c'est très très long, mais quand ça vient, ça vient. Moi aussi, t'inquiète pas. Moi, je prends mon temps. T'es déchaîné. C'est vrai. Ah ouais. T'es là, regarde Ben, il fait oh ouais. Ben, non, c'était toi que je regardais. T'as pire vengeance. Oh, tiens. Bah, moi, c'était par rapport avec la radio en fait. Tu te rappelles quand j'avais donné le numéro d'un pote là, qui m'avait fait chier? Ouais. J'avais donné le numéro d'un pote. Ah ouais, le 06 26 36 47. Non, mais attends, il a dû changer de numéro. Ah ouais. Ouais, ouais, parce qu'il recevait trop d'appels. Ah ouais, ça nous est arrivé. On a fait plusieurs fois des balancés de numéros. Dans sa notarimatrice Romy, là, elle a été raide une fois. Elle nous avait balancé son numéro de téléphone et elle avait reçu genre 125 appels. Un truc de fou. Ouais. Ah ouais. Ça, c'est dégueulasse de faire ça. Bah, il y a qu'à pas me faire chier. Ouais, c'est qu'à pas me faire chier. Et nous, on n'est pas, je suis pas pour. Hein. Seulement, genre, si tu veux casser les couilles à quelqu'un, ouais. Tu peux le faire. Ouais. Quentin, t'es pire vengeance? Pas de vengeance particulière. Bon, Quentin, ça a le sein, lui. Non, c'est vrai. Tu l'entends parler et il pourrait construire une maison sur la planète Vénus, lui. Enfin bref, mais Quentin, tu t'es jamais vengé de quelqu'un? Non. Genre vénère? Non, même pas, non. Non, c'est vrai. Non, non. Quentin, c'est un saint. Voilà, exactement. Quentin, moi, c'est toujours des petites vengeances sympathiques, en fait. Ouais. Sinon, si j'ai envie de me venger, je tape dans la gueule à quelqu'un. Ouais, c'est vrai. Si on me casse les couilles, mais bon, voilà quoi. Vengeance. Moi, j'ai déjà fait au boulot, dans un de mon travail, je travaillais à l'époque, et j'avais, il m'avait fait chier, et j'avais balancé. Il m'avait balancé en fait mon bureau, j'avais un bureau, il m'avait tout retourné le bureau. Et du coup, j'avais été à la pause du midi, je sais pas de ça, il y a même pas un an. J'étais acheté une boule puante et je leur ai claqué une boule puante dans son bureau. Ah oui, mais ça, on l'a déjà fait ça. Et ça, il a dû se barrer de son bureau et c'est plein. Donc, patron, j'ai reçu un blâme. Enfin, bref, mais ça, c'est une autre histoire. Mais voilà. Tu t'es fait virer. Ouais, bah, tu as le patron, je retourne encore. Maintenant, ton pote, c'est Paul. Ah ouais, c'est Paul. Ouais. Comme toi, Ben. Non, lui, c'est pas Paul. Hein. Non, lui, il dort, lui. Lui, c'est Google. Ah, il teste des machins, etc. Bon, en tout cas, ça me laisse venir évidemment sur le saucisson. Alors, c'est vrai qu'on a pas parlé de saucisson depuis la rentrée. Et donc, je vais vous lancer un petit défi. C'était pas prévu, hein. Je vais pas vous cacher en direct à l'antenne qu'ils ne sont pas au courant du tout de ce qui va se passer dans quelques instants. C'est que voici monsieur saucisson. Non, je rigole. Je vais me regarder tous. Est-ce qu'il est bon? Voici monsieur cochonou. Il est bon, cochonou. Alors, vous savez exactement le temps de la musique, elle dure combien? 2 minutes 36, voire un peu moins de 3 minutes là. Trouver une aire de musique avec du saucisson dedans. C'est à vous de trouver une aire de musique. Alors ça peut être Nuit de folie, ça peut être Démon de minuit, etc. Et au lieu de dire minuit par exemple, vous dites saucisse. Il m'entraîne au bout de la nuit, les démons de saucisson. Enfin tout en genre, j'invente n'importe quoi. Vous avez 2 minutes 36 pour trouver un air. Et c'est celui qui gagne qui a le meilleur air qui va gagner. Évidemment il gagnera un enregistrement. Rien du tout parce que si ça va partir. Des lunettes, lunettes. Ah ouais, on va l'enregistrer. Ah bah ouais, attends. Et le but c'est que vous auditeurs, vous choisissez aussi la musique qui va vous le mieux avec le saucisson. Voilà, on a envie de faire un truc avec les saucissons. Voilà, en tout cas reste avec nous là jusqu'à 23h. On est là, on se fera également tout à l'heure un Foatox avec Quentin. Yes. On sera à Minute Gaming, on sera un petit canular tout à l'heure, évidemment le top ou flop, donc reste avec nous jusqu'à 23h. Vous avez 2 minutes là, 36 exactement là, ils sont en train déjà de réfléchir, là. Ils sont tous concentrés là. Ben il est concentré, il croise ses mains. Voilà, bon reste avec nous, en tout cas on est là, on se fait la dernière bande de Sound of Legend, ça s'appelle Blues, c'est une reprise d'ailleurs, très belle reprise, en direct hein, jusqu'à 23h, on est là, Alex Libre Antenne, welcome. Énorme ce son en direct évidemment jusqu'à 23h, on est là avec Libre Antenne, merci de passer la soirée avec nous. Oh merde, j'appelle le corbeau moi, en direct évidemment. Du lundi au jeudi, 21h, 23h, Alex Libre Antenne sur Radio Mixplore. sera Zara Hanson évidemment dans moins de 3 minutes. J'adore ce son. Alors en direct jusqu'à 23h21h43 et ben justement j'avais promis un petit défi là avec le saucisson juste avant la petite musique de Sound of Legend. Ils avaient 2 minutes 30 pour trouver une aire de musique. Alors j'ai trouvé des versions instrumentales. Alors dites-moi, alors déjà pour Ben, c'est quoi ta musique? Tu veux faire sur quelle aire? Sur Jules sort le cross volley. Ok, on a trouvé un instrumental. Sur Jojo? Ah, moi c'est sur Pierre Perret. Ok, on a trouvé un instrumental. Et maintenant Quentin? Moi c'est un siphon fonfon. Attends. Il faut que je trouve un instrumental. Attends. C'est un siphon fonfon. Au pire tu feras un acapella. Ouais, on peut faire un acapella, c'est mieux. Non mais si c'est... Non mais on l'enregistrera, on le fera écouter la prochaine fois. C'est mieux avec la musique. Ah si je l'ai, un siphon fonfon, ok. Ça marche, on démarre par qui tient? Ben. Non, Jojo. Non, moi je garde pour moi. Mais non, mais lui il l'a déjà répété, moi non. Bah, il attaque à le répéter, excuse-moi. Au lieu de te balader, là. Vous avez tous eu le même temps. Désolé. Ouais, déjà. Allez, c'est parti. Bon, ouais, on démarre. Je sais pas ce que ça. J'ai jamais entendu cette musique là. Ah, tu t'as fait le refrain. Bah, toi, je sais pas, il démarre. Yo, yo, yo. Je sais pas, il démarre quand le refrain. Yo, yo, yo. Je vais vous raconter l'histoire d'un gros saucisson. Ah, c'est Ben, vas-y. Alors, vas-y. Attends. Ah bah vas-y, fais l'air. Attends, c'est là. Mais je sais pas, il démarre quand le refrain aussi, c'est pour ça. Bah, je sais pas, moi. Il connaît le chanson, il sait pas c'est quand le refrain. Mais... Attends, au pire, c'est, attends, la musique, attends, c'est quoi la musique? Bon, au pire, on démarre par quelqu'un d'autre, puis il réfléchit. La roue est voilée. Ça commence dès le départ. Hein? Ça commence dès le départ, le refrain. Bon, couflé en version A4, je me casse pas les couilles. Alors, c'est quoi là? Vas-y. Ça fait genre. Sors le saucisson volé, même si la peau est brûlée. Va me chercher un couteau pour le couper. Ne t'inquiète pas, tu vas y goûter. Ouais, ça peut être sympa. Oh, ouais, c'est pas mal, hein, c'est en version un petit peu rap là. Ok, d'accord. Ok, bah vas-y maintenant au tour de Jojo du coup. Ouais. Attends, est-ce que j'ai la version? Ouais, ouais, mais moi, mais là pas parce que c'est. Si, bah je. Merci. Ah putain, c'est la version. Bonsoir, messieurs, dames. Je vais vous raconter l'histoire du saucisson. Ah, non, c'est pas ça. Ok, on nous donne des cours sur le sexe. Ok, ok. Mais c'est vraiment. Attends, tu l'enfin, mais ouais, je vais te mettre l'enfin. Attention, t'es prêt? Il faut que tu me mettes du son parce que j'ai pas de son. Attends. Tout. Attends. T'es prêt? Ah, ça va être là. Attends, j'entends pas. Tout, vous serez tout sur le saucisson. Le petit, le gros, le long, le dur. Le petit moumou, le premier prix. Le pimenté, le ondulé. Tout, je vous dirai tout sur le saucisson. Ah, pas mal, on peut applaudir. Ouais, quand même. Ouais, pas mal, bien, en si peu de temps. Ouais, pareil. Ok, d'accord. Ça, c'est Jojo, donc en version numéro 2. Maintenant, ça va être au tour de Quentin. Ouais. Attention, ouais, assis. J'ai que une première partie du refrain. T'inquiète. Attends. Ah non, parce qu'il y a siphon-fonfon, quoi. Attends, vas-y, c'est parti, je vais te mettre un siphon-fonfon. Je vais te mettre un peu de retour. Là, puis je vais voir ce que ça donne. Fon. Ouais. Ok, t'es prêt? Ouais. On démarre sur le refrain, c'est ça, un siphon-fon? Ok, 1, 2, 3. Si fon, les tout petits saucissons. Ainsi fon, les saucissons de tonton. et il pourrait la refaire avec la voix de. Non, mais j'ai l'impression que quand elle avait une musique, on dirait qu'il était déprimé de la vie, on dirait qu'il avait juste une balle dans la tête juste après. Quoi. Un siphon, fond, les petites, ça faisait un peu un siphon. Fond, le petit. Et tu sais ce qui serait bien, c'est quand même que au prochain canular, en fait, du pervers, il lui chante la chanson du saucisson avec la voix. Bonne idée. Et vas-y, fais avec la voix pour voir qu'est-ce que ça donnerait. Vas-y. Un siphon, fond, c'est excitant. Les tout petits saucissons. Ouais. Un et tu vois. Fond, les saucissons de tonton. Et tu vois, et ben, et ça dans le prochain canular. Bon, moi j'en ai un, moi. Vas-y. Magic in the Air de Magic System. Ouais, vas-y. Attends, je sais pas si ça va se lancer. Oh, l'instrumental. Allez, et levez ouais les mains. T'es prêt pour le son d'été, mon pote? On y va. C'est la saucisson partie, ouais. Yeah. C'est la danse du saucisson. Allez, le saucisson en l'air. Allez, c'est la danse du saucisson. Allez, le saucisson en l'air. Allez, c'est la danse du saucisson. Allez, allez, allez, le saucisson en l'air. Allez, allez, allez, c'est la danse du saucisson. Allez, allez, allez, le saucisson en l'air. Allez, allez, allez. Parce que Jojo, quand il dit saucisson en l'air, il y a Get Ben. Non, je regarde en l'air. Eh ben pas mal là, ça va. On a fait des bons trucs. Alors, à votre avis, les notes, qu'est-ce qu'il y a, Ah, Jojo a gueulé. Non, non, rien. Alors, à votre avis, lequel est mieux? Chacun va noter un petit peu. J'en sais. Non, moi, je trouve qu'on est tous bien. Ben, tu vas dire c'est quel le meilleur pour toi. C'est toi, franchement, c'est toi. Ouais. Mais lui, il est en compétition, lui, déjà. Pourquoi déjà, parce que je t'explique. Toi, t'es un gros tricheur parce qu'on en avait déjà parlé et t'as repris l'air qu'on avait dit pour faire notre tube. Et là, le gars, il prend les idées qu'on donne. Allez, allez, le saucisson en l'air, c'était nous, hein, déjà. De quoi oui. Déjà, c'est pas toi qui l'as inventé, c'est moi. Non, oui, non, on en a, c'est grâce à moi qu'il y a le saucisson. Bien sûr, bah, ah, oui, ouais. Mais c'est moi qui ai inventé son sterlo, tête de con. Non, non, non, non. Non, allez, non. Trop moi. Ouais, ouais, c'est ça, maître. On va me casser les couilles. Gars, il sait que j'ai raison. Mais non, c'est pas que j'ai raison, c'est moi qui ai trouvé. De toute façon, il est hors compétition, lui, c'est qu'entre nous trois. Déjà. Allez, allez, allez, allez, le saucisson en l'air. C'est quoi, à ton avis, la meilleure musique? Moi, j'aime bien lui, j'aime bien lui aussi. T'aimes bien Quentin? J'aime bien les deux. Ok. Mais bah, t'as plus un penchant pour qui? Bah pour moi. Non, mais c'est pour je me mets une note. Non mais ouais Quentin. Parce que je le vois bien dans l'autre truc. Mais Ben aussi, mais il travaille pas trop lui Ben. Il fait un truc quoi, de phrases et avec ouais, le couteau bah, et tout. Écoute, j'ai fait 4 phrases, il en a fait 2 hein. Excuse-moi j'ai plus travaillé. Oui mais lui c'est ouais, mais il a tout sorti de son cœur. Ouais bah, oui. Voilà. C'est l'enfance. Quentin t'as sorti ton cul. Oh. Moi pour Jojo. Ah Jojo. Bien, ouais. Ah bien, si Quentin. Non mais je dis ce que j'ai sur le cœur. C'est bien. Heureusement. Tu ça marche pas fou. C'est pas bon, bon, reste avec toi en tout cas. Qu'est-ce qu'on se fait à 21h48 là? Bon, on s'en revient évidemment dans quelques instants, on se fera la dédicace. Hein? Une dédicace. De qui? De Hélène et Justine. Eh bah dédicace pour la radio. Eh bah dédicace Hélène et Justine. Bon, on se doute bien que c'est pas pour vendre des tapis des tapis hein. On est pas là pour vendre des cravates, pas des pattes. Ah bah c'est exactement. Ligue des Champions, vite fait un petit point là. Oh non, ah. C'est bon, ils ont rien gagné. C'est bon, stop. C'est 1 2 0 0 1 3 6 ou alors. Oh, je suis pro tennis le. Le lion est mort hier soir. Ferme-la toi. Ah, le saucisson. D'ailleurs, je propose de leur envoyer un saucisson à Lyon. Ouais, ben, bah, je vais t'envoyer quelque chose dans le cul, tu vois. Oh, bah, il se lâche, bah, le petit bébé. Ah, qu'est-ce que tu vas enfoncer dans le cul? Tu vas enfoncer un saucisson. C'est la danse du saucisson. Ah, c'est pas encore là, non. Ah, ouais, bah, ouais, c'est parti, là. Il va enfoncer quoi, Ben? Il va enfoncer le saucisson dans le cul. C'est la danse du saucisson. Allez, allez, allez, le saucisson en l'air. Allez, allez, allez, c'est la danse du saucisson. Ça fait quoi les niveaux résultats là? Toujours 1-1 entre le PSG et Ludo Goretz. Allez. Le Barça perd toujours 1-0. Et l'Atlético gagne toujours 1-0. Ok, bon ouais, tout est dit. Merci en tout cas. Oh, ouais, bah c'est un point qui sert à rien quoi. Ben you. Bah là, bah il faut le savoir. Hein. Faut le savoir. Ouais. Bon, reste avec nous en tout cas, on est là jusqu'à 23h, on lâche rien. On se fera un canular dans quelques instants. On appelle le camping des Flots Bleus avec Patrick Chirac. Alors vous êtes déjà tous vu le. Ouais. Alors. Chirac, on n'attend pas Patrick. Mais comment bah, t'as vu, c'est Patrick là. Bah, on se fera évidemment dans quelques instants. Reste avec nous, on est là jusqu'à 23h, on bouge pas tout de suite. Radio Mixplore. Un max de son dance floor. Bientôt, la justice aura son chiffre. Les 7 mercenaires. On est des braves gens et on nous chasse de chez nous. Vous êtes en quête de vengeance? Je suis en quête de justice, mais la vengeance, ça m'ira. Denzel Washington, Chris Pratt, Ethan Hawke. Combien d'hommes, vous disiez? Les 7 mercenaires. 7 flingues pour un film de légende. Le 28 septembre au cinéma. L'Inox Club, le club de la Côte d'Opale. 3 salles, 3 sons, 3 ambiances. Electro Dance Floor, généraliste, hip-hop, R&B. Vendredi et samedi de minuit à 6h. Gratuit avant 1h. Parking sécurisé. C'est à Gravelines que ça se passe. Autoroute A16, sortie Gravelines. Rendez-vous dès ce week-end dans votre club. Inox Club. Retrouvez l'actu du club sur Facebook Inox Club. Radio Mixplore. Vous avez toujours été pressé. Bien plus pressé que ça. C'est ça. Vous coupez court, vous rendez-vous chez le dentiste. C'est bon, merci. Je remplirai moi-même le trou. Vous attendez rarement les autres, moins pressé que vous. Est-ce que tu veux bien m'épouser quand? Et quand vous voyez une barrière de passage à niveau qui se ferme, vous n'hésitez pas, vous. Accélérez, ouais, ouais, forcément, ils ont... Sur les rails, le danger est plus rapide que vous. Soyez attentifs au passage à niveau. Respectez le code de la route. Ceci est un message de SNCF et de la sécurité routière.

bon, on me l'a pas envoyé l'affiche. Bon, bah, en tout cas, il joue la CLPA Basket, il joue un match. Je vais essayer de le savoir dans quelques instants. En tout cas, d'ailleurs, j'anime ce match-là. Donc, n'hésitez pas à venir. Voilà, c'est un match National c'est 2. C'est gratuit. C'est National 2 quand même. Hein. C'est un gros c'est gratuit. Non, c'est gratuit. Bah, pour venir me voir, vous dites bien qu'il faut payer. Mais je sais pas si c'est gratuit ou payant. Non, je crois que c'est payant. Ouais. Tu partageras l'info. National 2, je pense. Ouais, c'est payant. Ouais, j'anime en tout cas. Très, très grosse ambiance. En tout cas, ça fait plaisir. Donc, on est partenaire avec ce club de basket. Donc, voilà, on n'hésitera pas à faire gagner des places d'ici la semaine prochaine. Avant ça, on a appelé le camping. Enfin, c'est pas nous qui a appelé, évidemment. Quelqu'un qui s'occupe de ça. On a appelé le camping des Flots Bleus avec les voix du film de camping avec la voix de Patrick Chirac alias Franck Dubosc. Je peux vous dire que après le Pôle emploi avec Dark Vador, le Bryce de Nice avec l'office de tourisme, je peux vous dire que ce soir on a tapé fort aussi. On écoute, c'est parti, on dirait 21h58 là, c'est le canular du soir, on est parti et c'est le film Camping ce soir. Camping des Flots Bleus Marie, bonjour, je peux vous faire patienter un instant s'il vous plaît? Ouais. Je vous remercie. Bonjour et bienvenue au camping Les Flots Bleus. Merci de bien vouloir patienter. Nous allons donner suite à votre appel. Oui, merci d'avoir patienté, je vous écoute. Je peux te parler? Oui. Dis-moi, il me faudrait une chambre double, douche ou baignoire pour une nuit, avec petit déjeuner, compris, hein? Mais je pense que vous trompez de numéro, monsieur. Pourquoi? Bah, vous êtes au camping Les Flots Bleus, là. Tu veux pas prendre un petit croissant sur Arcachon? Ah, mais non, mais en plus, vous êtes même pas sur Arcachon. Vous êtes trompé, hein? Chassez le naturiste. Il revient au bungalow. Qu'est-ce que c'est? Tu sais, ma grand-mère, elle disait toujours une phrase, qui m'a marqué d'ailleurs. Quand deux tentes se touchent pas, eh ben ça fait une allée. Ce sont de magnifiques extraits du film, c'est génial. Dites-moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Tu vois, la liberté, c'est de pouvoir manger ses carottes râpées dans l'emballage. Donc j'ai en direct Franck Dubosc au téléphone, en fait. Ouais. Génial. Tu sais, il y a des fois, j'en ai marre. Les vacances sans amour, c'est pas les vacances. Ah bah oui, je comprends tout à fait. Tu es un dragueur, c'est ça? Je suis pas un dragueur, toujours cette réputation, là. Bon bah écoutez, vous avez été très sympathique, ça a été très drôle, je vous remercie. Je le savais. Je vous remercie, bonne journée. Merci. Au revoir. Et bah voilà. Ouais. Pile poil, je crois quitter la ville. Les mecs m'embrassent comme si j'étais la mif. Ta sœur est belle. Bah, pas mal finalement ce Camping et Flots Bleus. Le Camping et Flots Bleus. J'adore ce film en tout cas. Moi j'aime bien Camping. C'est un putain de bon film, je pense, avec très bon acteur. Je sais pas, Ben, t'as bien aimé ce film aussi? Ah, t'as jamais regardé Camping? J'ai jamais regardé Camping. Oh, oui, bah, moi j'ai bien aimé. Ouais, c'est un bon film, bah, Quentin. Excellent. Ouais. Ça représente bien la vie de camping. Ouais, dans ça. Tous les campings de France, après, c'est comme ça. Il faut aimer, c'est sûr, partir au camping, ce qui. Ouais. Mais dans tous les campings de France, c'est comme ça. Et ça se passe vraiment comme ça. C'est vrai. Vous êtes déjà parti au camping? Vous êtes plutôt camping, hôtel, résidence, etc., Ben? Moi, je suis plutôt quartier. Non, mais t'es jamais. Ah ouais, t'es jamais. Il reste à se baraque. Non, mais entre potes, des fois, on peut partir en tente. Non, camping. Ok, donc toi, c'est camping. Ouais. Ok, ouais, comme moi, un petit peu là. Ouais, camping. Ça. Mais camping, parce que des fois, il y a camping. Non, c'est tente, camping mobile homme. Non, camping tente. La vraie tente. Tu vas prendre ta douche. On galère voilà. quand il pleut, t'es obligé de faire des tranchées. Parce ouais, sinon, c'est pas un camping. Si tu vas prendre ta douche aux douches municipales du camping. Si tu dors pas dans une tente, c'est pas vraiment un camping. Bah, si, c'est l'endroit du camping. Après, je dois partir en camping. Moi, je partais à l'époque, mes parents, ils partent en caravane. Moi, j'ai toujours dormi en tente, mais une fois, il y a 3 ans, je suis parti en mobilhome. Mais mobilhome, c'est ouais, pas c'est, mal. C'est pas pareil aussi. Bah, t'as un peu plus de luxe, c'est vrai. Mais, ouais, mais l'esprit. Après, entre potes, l'esprit, ouais, l'esprit camping. L'esprit, après, quand c'est les familles, tout ça, bon, c'est chiant pour les gosses. Tu vois, c'est mieux de dormir après dans un mobilhome. Ouais, après les tentes, c'est chiant parce que ouais. C'est les réchauds, tout ça. Et alors, c'est les soirées, quoi. Ouais, ouais. Les soirées barbecue, tu rencontres des gens, t'as un échange. Et franchement, moi, j'adore. Ah, tu sais, ça te donne envie de partir en camping. Dans les hôtels, t'as pas ça, quoi. Avec tout le staff de la radio, faire un camping. T'as des sous pour payer l'emplacement? Bah, écoute, la radio, elle a de l'argent. Oh, ouais, ok, merci. Bien sûr. Quentin, t'as qu'à demander au chargé événementiel, Remix Flore, Jojo. C'est ça, va gratter ton cul. Savoir si il va vendre beaucoup d'événements cette année. Puis cet été, on pourra partir en camping, on pourra partir à Majorque. Non, en tout cas, j'essaie déjà de négocier pour. Non, mais je pense qu'une nuit. J'essaie de négocier pour la fin de l'année, fin de saison. Et là, c'est bien parti pour qu'on fasse une émission en bas de la France. Et sachez-le que j'ai déjà le logement, oui. En tout cas. Payé, déjà gratuit. Donc maintenant, il faut trouver l'endroit à faire l'émission. Mais peut-être, on va voir si on peut pas faire une nuit dans le camping. Mais on est en animant dans le camping. Ah en oui, fait. Pourquoi pas. Ouais. Tu vois, ah, une nuit. Ça se trouve camping, déjà pas mal. Camping la vache Touraine. À Montbeul-Saint-Ambec. Moi, je dis que le camping. L'ouest de Normandie. Non, mais le camping à Moules. Ça peut être intéressant parce qu'il y a un camping à Moules. Et on sera au trou de Moules. On va sauter leur gueule toute la soirée. Voilà. Voilà. Quentin, t'es plutôt camping, hôtel, résidence? Camping, moi. Ouais, toi aussi. Ouais, pas de campagnard. Parce que... bah, ça faisait 21 ans que je faisais du camping tous les ans. Donc, Ah oui, c'est vrai, ouais. Cet été on a été voir ton camping. Ouais. Ouais, ouais. Parce que camping, c'était... en fait, c'était parce qu'il y a un camping pas loin de chez lui où ses parents ils y vont tout le temps. Et du coup, cet été, quand on s'est promené à Dupont avec Quentin, il dit bah tiens, on va prendre un peu la route, on va faire un petit tour. C'est pour ceux qui connaissent, c'est côté de Boulogne 800, tout ça. Et du coup, il m'a dit bah je vais vous faire découvrir mon camping où j'ai passé toute mon enfance. Et je vous jure, on était avec Tonton Manier d'ailleurs à l'époque, enfin il y a un mois. Et on est rentré dans le camping, etc. Et Quentin, il fait ouais, mais je connais tout le monde. Et puis il fait salut. Et puis il fait bonjour. Bonjour. Genre le mec il connaît pas. Et du coup on s'est tapé. Après ça va, t'es tombé sur un mec, voulait pas trop te parler. T'as dit bah mais t'inquiète, je le connais, ça fait 20 ans que je le connais. Salut Michel, ça va? Bonjour Quentin, ça va? Ouais, je dois te laisser Quentin. Ah pardon, ah, ok, ça marche. Ouais. Hashtag rien à foutre que t'es là. Cet homme il aura fait tout voir dans le camping. Ouais, ça se trouve. Il a piqué les entrecôtes et les merguez. Je suis sûr qu'il devait chiquer le Ricard. Chiquer le Ricard. Non mais une soirée, on peut essayer de se programmer ça, une soirée camping au mois d'avril. Pourquoi pas, ouais. Bah tout de suite, mais 22h03, la petite minute gaming. Avant d'entamer un photo tout à l'heure avec Quentin, la minute gaming. Alors qu'est-ce qu'il y a comme sortie aujourd'hui? Je ne vois que ça sur Facebook, la sortie de FIFA 17. Ouais, c'est vrai que c'est sorti aujourd'hui, mais je ne l'ai pas encore acheté. Ouais, bah ouais. Bah c'est normal, il n'y a pas monsieur, de monsieur, il préfère acheter FIFA 17 au lieu de payer un coup pour son anniversaire qui a lieu dans quelques jours. Samedi. Ah bah écoute. Samedi, exactement. FIFA, c'est important, c'est la vie. Oh, ok. Ouais. La vie, c'est mon point. Et deux semaines après, ils vont la revendre. La vie, c'est toute une bonne cuite. Non, t'es fou, quoi. Hein ouais. J'ai pas la revendre, le FIFA. Moi aussi. Bah non. Ah, vas-y, t'aurais pu nous payer un verre. Ouais. Hashtag, hashtag demain, tu vas faire le défi tout seul. Hashtag, tu peux nous ramener du Paul Rémy 90 centimes. Nous ramener du Paul Rémy 90 centimes. Du Paul Rémy. Ouais, c'est du mousseux en fait, au premier prix. Putain, ouais. C'est vraiment de le piquer. Ouais, voilà, mais bon. Donc on t'as a qu'à ramener, t'as qu'à ramener du vin à la villageoise. Ouais. En plastique. Ah, ça, c'est de la piquette à mort, ça. Ça, c'est dégueulasse, hein. 1€. On pourrait se boire la gueule avec ça, ou pire, on t'achète un pack de crocs. Ça coûte rien, ça mange pas de pain. Hein. Mais un pack de crocs, déjà, t'en bois deux, t'as envie de pisser 6 fois. Bon, allez, vas-y, donc qu'est-ce qu'il y a comme sortie, jeu vidéo? Je vais parler de Battlefield 2142. Ah ouais, c'est un jeu très important, 2142. C'est un jeu futuriste. Vous aurez dû comprendre dans le titre. Ouais. Il est en ligne depuis le 23 septembre dernier. Ouais. Et il a déjà accueilli plus de 11 000 joueurs. Ouais. Et ah ouais, déjà ? Ouais, plus de 11 000 joueurs. Ouais. Et il sera disponible gratuitement sur le PS4, Xbox One et PC le 21 octobre prochain. Ok. D'accord, ok, ça marche. Donc Battlefield sera au prix de combien, vous savez pas? Bah, il est gratuit, je viens de le dire. Ah, il est gratuit? Oh, t'as vraiment. Il faut que je le gratuit. Ah, mais je croyais que c'était non parce que tu m'avais dit ça, mais je croyais que c'était la version un petit peu. Tu sais, test un peu, tu vois. Non, non, celui-là il est. Ah, il est totalement gratuit le jeu. Totalement gratuit. Comment ils font pour gagner leur pain? Hein? Comment ils font pour gagner leur pain? Bah, attends, ils ont déjà battu. C'est la pub. Ah, mais ils sont disponibles sur en téléchargement, tu vois, pas en magasin acheter le. Ah, non, non, non, non, non, en téléchargement sur le PlayStation Store ou des trucs comme ça. Ça marche. Et la deuxième fois, je vais. Le deuxième chose, je vais. T'es IPG, je vais faire un rappel. Du Virtual Cali oui. Qui se passe ce week-end. Non, mais l'autre il balance un événement, là. T'en es même pas partenaire à l'événement. Il ferme sa gueule. Et c'est gratuit l'entrée? On s'en fout, hein, on s'en fout, on n'est pas partenaire à cet événement là. Donc c'est bien, il y a un événement sur Cali ce week-end, mais on est content. Ben si les gens ils veulent me voir, qu'ils y vont. Écoute. Vous le reconnaîtrez, il aura une veste olympique lyonnais qui est mort hier soir. Non, mais c'est pas ça, mais on n'est pas partenaire à cet événement, ils ont choisi notre radio donc on peut pas balancer cette information, je suis désolé. Désolé, mais. Et on les emmerde. Pas l'autre radio. Et alors, pisse au cul, on leur chie la gueule. Bon, allez, vas-y. Y a donc un autre truc? Bah non. Oh, putain, l'autre. Ah, moi j'ai quelque chose à dire non, sur FIFA 17. Normalement, je devais pas venir. Pas sa chronique, hein? Normalement, je devais pas venir. Ouais, bah tiens. Ouais. Et moi j'ai quelque chose à dire sur FIFA 17 parce que j'ai vu une image cette nuit. T'as vu le graphique de. Enfin, ils ont représenté Zinedine Zidane? Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est une fausse image. Ah bah écoute. Non, non, les entraîneurs, ils les ont pas fait. Les entraîneurs, ils les ont pas fait physiquement. Ah bon, bah c'était qui alors? C'est un entraîneur comme pourtant c'est marqué FIFA 17. Bah oui, mais je veux dire, ils ont pas travaillé les entraîneurs. Ouais. Ils ont travaillé les entraîneurs que de la première ligue. Ouais. Bah voilà. C'est tout. Zinedine Zidane, il n'est pas en première ligue. Non. Il est en ligue espagnole. Ok. Donc voilà, merci. D'accord. Ah, merci quand. J'avais envie de l'énerver, tu vois, ça marche. Ça commence à me branler, ouais. Ouais, en tout cas, merci de passer ce soir avec nous. En tout cas, on est là jusqu'à 23h. On sera le top ou flop dans quelques instants. Yes. On sera un petit canular avec Jojo là. Jojo, j'ai envie de taper des hôtels là. Mais non, j'ai pas envie d'appeler un hôtel. Mais on va pas faire jouer les 5 mois, on va faire les hôtels. J'ai envie de répartir ce saucisson avec les hôtels. Et de quoi? On va faire un petit canular dans quelques instants, on va appeler un hôtel avec des saucissons. Alors lui, il balance ça comme ça. Lui, mais oui, on est comme ça, en même temps c'est du direct. On est en direct évidemment jusqu'à 23h, on bouge pas. Si, si, ça se passe, et puis le tout nouveau Cachemire, on l'a découvert ici même sur Radio Xplore. J'adore, c'est une grosse bombe en tout cas. Bon courage à tous ceux qui partent travailler, bon courage également à tous ceux qui vont se coucher évidemment, bonne nuit, et puis évidemment, bon courage à ceux qui vont au lit. Hein. Surtout seul. Bon courage à tous les routiers qui nous écoutent ce soir. Oui, son ah, d'ailleurs, je peux vous dire que dès lundi, le retour de l'application mobile Radio Xplore. Toute frais, toute neuf. Voilà. D'ailleurs, on venait me demander. Là, ah bah, ferme ta gueule. Cachemire, à l'instant, bienvenue. En direct évidemment jusqu'à 23h, on est là. Merci en tout cas de passer la soirée avec nous, hein. Ça fait grave plaisir. Si vous êtes là au boulot, bah merci en tout cas de nous écouter. On est là chaque soir entre 21h et 23h. Jusqu'à 23h, Alex Librantel. Hein? Il était pas allumé le micro. Non, il était pas allumé le micro. Everybody! Pourquoi qu'est-ce qu'il y a? Non, parce que j'ai dit on dirait du cachemire, on dirait un peu long cachemire. Et en tout cas, Jojo, je suis content parce que c'est un très bon animateur. Ouais, sur la non, je sais pourquoi il dit ça. Oh, le parce que je viens de lui montrer les photos que j'avais endossées sur lui, donc du coup, maintenant, il va me lécher le cul. Non, le rire qu'il a. C'est un rire, mais franchement. Non, mais attends, en tout cas, Quentin, il vient de me lécher le cul, lui. En tout cas, Jojo, je suis trop content parce que c'est un bon animateur. Ouais. Très bon animateur, j'ai toujours dit. Dis-le que tu m'aimes. Hein? Tu dois dire que tu m'aimes. Lundi, je lui ai dit pareil, et pourtant la vidéo elle a quand même tourné sur Facebook. C'est pas moi, c'est Alexis qui m'a identifié sur la vidéo. Non, mais tu l'as partagé. Espèce de salaud. Ouais, et que j'ai partagé. T'as partagé. Il m'a forcé en privé, il m'a dit balance, balance, bordel. Non, j'ai dit j'arrive pas à la télécharger la vidéo, balance-le moi sur mon mur. Et il a dit ouais, je le fais tout de suite. Il était content, tu vois. Et t'as identifié Anthony quand même. Hein? T'as identifié Anthony, non? Oui, et alors? Et bah, et alors tu veux quoi que je t'identifie encore sur une photo? Non, c'est bon. Parce que j'en ai encore. Hein. Non, c'est bon. Du dossier, j'en ai. Non, on m'en envoie. Et d'ailleurs, si ta mère elle nous écoute ce soir, elle peut m'inviter sur Facebook et m'envoyer du dossier. André, envoie-moi du dossier sur un petit gamin. Allez, maintenant on va s'appeler un hôtel maintenant. On va s'appeler un hôtel, Jojo. Pour dire quoi? Hein? Pour dire quoi? Que je vous en embrouille-le. Non, on peut pas appeler quelqu'un d'autre, un hôtel quoi. Vas-y, on va se faire chier, on appelle toujours des hôtels quoi. Vas-y, t'appelles quelqu'un au pif, il s'embrouille avec. Non mais non, déjà au pif c'est compliqué. Non, il va me faire passer pour... là, il va se faire passer pour la mascotte de la marque Cochonou. Non. Du saucisson Cochonou, de la mascotte Cochonou. Et il va devoir, bah, du coup, dormir à l'hôtel ce soir. Mais tu vas dire, est-ce que c'est pas gênant si tu arrives tard ce soir parce que tu as une animation commerciale jusqu'à minuit et que ça te dérange pas si tu arrives. Une animation commerciale, ils vont me raccrocher, une animation commerciale. Non, mais d'animation ce soir. Ouais, j'ai une animation, ouais. Et tu arrives tard ce soir, mais est-ce que ça te dérange pas si tu arrives encore déguisé en saucisson géant? si ça dérange pas. Ok, ok, on appelle du côté du Mans. En plus, il y a la belle rillette en plus là-bas. La rillette du Mans. Allez, c'est parti. Allez. Hôtel Mercure, le Mans 30, je suis à bonsoir. Un instant, s'il vous plaît. D'accord. Elle nous fait pas sauter, on a dû crier. Si on partait, bah, pour vas-y. Vos loisirs, découvrez notre nouvelle collection, les prêts à parcours Mercure, à prix fabuleux, sur www.mercure.com. How about a trip? For your leisure, discover our new collection of ready-to-go packages at fabulous prices on www.mercure.com. C'est le Mercure, apparemment. Démerder le gros Safion. Si on partait, pour vos loisirs, découvrez notre nouvelle collection, les prêts à partir Mercure, à prix fabuleux, sur www.mercure.com. How about a trip? For your leisure, discover our new collection of ready-to-go packages. C'est long, non, la vie, putain de vous. On www.mercure.com. Oh, puis tu m'as dit. Que ça va couper. Normalement, c'est gratuit, le temps d'attente. Ah mais non. Ah, ah change alors. Oh, du change parce que là, la grand-mère elle est longue, là, ça fait plus d'une minute. Il nous reste plus que 30 centimes. Le standard va être renouvelé demain, mais là. On... Pareil, c'est là. Où? Toujours au Mans. Hôtel Première Classe, Le Mans Centre-Ville, bonjour et bienvenue. Nous allons prendre votre appel. S'il me dit qu'il n'y a pas de chambre pour ce soir, je fais quoi? Salle de bain privative avec douche. Première Classe, Le Mans Centre-Ville, bonsoir. Bonsoir monsieur, excusez-moi de vous déranger à une heure tardive. Je recherche une chambre d'hôtel pour ce soir parce qu'on est actuellement sur Le Mans et je suis en animation avec la société Cochonou. Vous savez, vous passez directement, il y a ce qu'il faut, monsieur. Il y a ce qu'il faut. Dites-moi, pour une chambre rapide, parce que je vais arriver très très tard par contre. Parce que je suis sur le secteur, donc je vais arriver vers 3-4 heures du matin. Alors dans ce cas-là, si vous voulez réserver maintenant, il faudra que vous nous communiquiez votre carte bancaire, sachant que s'il fait la clôture et que vous n'êtes pas là, il sera obligé de débiter votre carte directement. Oui, c'est pas le souci. De toute façon, je suis là, je suis sur le centre-ville. Donc, je peux vous donner. Est-ce que on peut tout vous envoyer en mail, les coordonnées bancaires, etc. Oui, mais je vous donne l'adresse. Demande si tu peux payer en rond de saucisson. D'accord. Mais vous êtes sympa de me prendre ce soir. Je vous donnerai du saucisson de chez Cochonou, le saucisson au bon goût de chez nous. Et d'ailleurs, on a même une chanson qui s'appelle « Tout, vous serez tout sur le saucisson ». Enfin, voilà. C'est... Merci d'avance. Voilà. Bon, ça ne sera pas moi, mais vous donnerez à mon collègue. Il n'y a pas de problème. D'accord. Parce que moi, j'ai bientôt fini. Hein. D'accord. Est-ce que vous pourriez dire aussi mais à votre collègue que je vais arriver déguisé en saucisson qui se trompe enfin, parce qu'on vient nous ramener, donc... Il vous reconnaîtra aux caméras. D'accord. Ah, pardon. Il va vous reconnaître aux caméras. Ah oui, ben j'espère, parce que je ne sais pas que j'ai la police qui débarque, il y a un saucisson devant, devant l'hôtel. Hein. Oh non. Alors, donnez-moi les coordonnées en mail, s'il vous plaît. Alors, c'est Première Classe, tout attaché. Tout. Oui, allez-y, hein, je chante en même temps sur le saucisson. Parce que je répète, parce qu'après, je vais sur scène. Il n'y a pas de problème. Hein, le saucisson, le vrai, le dur, le mou, le gros, le croquant. Allez-y, la suite. Alors, point Le Mans. Oui, point Le Mans. Arrobase. S comme Suzanne, H comme Harry. H, S, H, oui. France.com. Point. Comme un ouragan, le saucisson. Ouais, non, mais je savais. Vous savez. Donc voilà, donc il n'y aura pas de souci. Donc je vais arriver vers toi. Vous mettez surtout vos coordonnées aussi, le nom, prénom hein, et le numéro de téléphone. D'accord. De toute façon, ça sera le nom de la société. Hein. C'est Société Cochonou. Ah, d'accord. Il n'y a pas de souci. Je ferai ma carte bancaire, ça, il n'y a pas de souci. Prévenez bien votre collègue que j'arrive en saucisson. Et puis bah, moi, je vous distribuerai du saucisson gratos pour... Voilà. Alors, c'est la tournée... Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la tournée saucisson party tour. Non, vous avez pas entendu du tout, non. Ça m'étonne. Donc, bah, merci beaucoup de votre accueil, de votre gentillesse. Mais c'est moi qui vous remercie. Et je vous envoie. Et surtout, n'oubliez pas... Alors, et puis, Surtout n'oubliez pas. Ça sera mon collègue, comme je vous ai dit. Et bien, surtout n'oubliez pas que tout, vous serez tous sur saucisson. Le petit, le gros, le dur, le mou. Voilà, enfin, voilà. Hein, à tout à l'heure. Au revoir. Hein. Au revoir, bonne soirée. Bonne soirée. Ah, pas mal. Ça vous fait faire n'importe quoi. Eh, pas mal le souci. J'avoue qu'il y avait un Gérald là, ça va pour le coup. Attends, moi je sais Gérald. Et en plus, le mec était cool donc ça. Ouais, va... il était cool. Attends, il était cool. Et il va prévenir son collègue quand même qu'il y a un gars qui va arriver habillé en saucisson quand même. Faut pas l'oublier. Non, parce qu'à mon avis, le mec, ouais, toute la soirée, il va t'attendre. Je pense ouais, qu'il va lui faire ce soir. Non, il va prévenir son collègue parce que. Ah, mais attends, toute la soirée, son collègue il va attendre. Il va dire putain, il arrive quand le saucisson. Ouais. Putain, on va avoir l'apéro. Et on va devoir amener du saucisson. Le saucisson parti. N'importe quoi. En tout cas, bien joué, hein, c'est pas mal. Et t'es content. Hein ? Et t'es content. Ouais, et du coup, ça me donne l'idée. Oh non. S'il me reste quelques minutes. D'appeler qui ? D'habitude, d'appeler une habitante du Mans, une petite vieille dame, etc. Le faire le Avez-vous vu Chantal version saucisson ? Oui, mais pas là. Ah bah si. On n'a plus beaucoup de temps. Ah bah si. Il reste combien de crédits ? Non, on peut. Mais bah, Radio Mixon, c'est la race. Mais attends, laisse tomber. Ouais. Bon, allez, restez avec nous en tout cas. Bon, si, on sera le Avez-vous Chantal, évidemment. On vous l'a pas dit, mais c'est mercredi ce soir. Et c'est le Avez-vous Chantal, et bah, ça sera version saucisson dans quelques instants. Reste avec nous là, on est là jusqu'à 23h. En tout cas, pas mal, hein, t'as bien géré. Je suis content la version. On des trucs, des moments, totalement. Attends, on parlait de saucisson tout à l'heure. Donc, restez. Avec nous, il y a. Il vient de péter en même temps. Alors. Non, j'ai pas pété, j'ai eu parce que je bois du coca. J'ai eu un rototo. Ah ouais, j'ai un petit rototo. Non, tu bois du soda. Ah, voilà. S'il te plaît. Ils sont pas partenaires avec nous. Hein. Ah, bah, du cola. Excusez-moi, je bois du cola. Non, même pas, c'est une marque. Oh, ta gueule. Fais-moi un petit point sur la Ligue des Champions. Je peux aller faire pipi pendant ce temps-là. Ouais, non. Du Fanta Coca. Allez, bois un petit point sur la Ligue des Champions. Attention, qu'est-ce que ça donne. 9-3, c'est la Champions League. 9-4, c'est la Champions League. Merci. Attends. Le blanc. C'est quelle tristesse. En gros, est-ce qu'on peut en faire le backstone avec le même blanc? 9-3, c'est la Champions League. 9-4, c'est la Champions League. Pa. Allez, on continue. Alors, qu'est-ce que ça donne? Le PSG gagne 3-1. Ouais. Et le Barça gagne 2-1. Ils perdaient pas 1-0 au PSG? Ouais, ils perdent 1-0, ils gagnent 3-1. Ah ouais, ils sont facilement remontés. Et l'Atlético gagne toujours 1-0 face au Bayern. Ouais, bah voilà, tout est dit en tout c'est cas. Tout. On suivait les matchs de la Ligue des Champions. Et Lyon est mort hier soir. Jusqu'à 23h. Ferme-la, toi. Jusqu'à 23h, on est là, bougez pas tout de suite. Une cible facile, une maison isolée. Il est aveugle? Ça va être du gâteau. Jusqu'à ce qu'il s'y entre. Qui est là? Par le réalisateur de Evil Dead et le producteur Sam Raimi, Don't Breathe, la maison des ténèbres. Numéro 1 au box-office américain, Don't Breathe, la maison des ténèbres, le 5 octobre au cinéma. Ceci est un message mythique réservé aux célibataires. Pourquoi ? Parce que vous, les célibataires, vous savez bien que ce n'est pas ce matin que vous allez rencontrer quelqu'un au boulot, et surtout pas la photocopieuse. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec Mythique, la bonne personne, vous pouvez la rencontrer partout et surtout ailleurs. Mythique, voyez plus grand pour vos rencontres. Radio Mixplore. Linox Club, le club de la Côte d'Opale. 3 salles, 3 sons, 3 ambiances. Electro Dance Floor, généraliste, hip-hop, R&B. Vendredi et samedi de minuit à 6h. Gratuit avant 1h. Parking sécurisé. C'est à Gravelines que ça se passe. Autoroute A16, sortie Gravelines. Rendez-vous dès ce week-end dans votre club. Inox Club. Retrouvez l'actu du club sur Facebook Inox Club. Je connais des personnes qui vivent avec le VIH. Avec l'une d'entre elles, je risque de tomber amoureux, m'engager dans un beau projet de vie ou avoir de merveilleux enfants. Aujourd'hui, les traitements empêchent la transmission du VIH vers d'autres partenaires. Partager sa vie avec une personne séropositive, c'est possible. Renseignez-vous sur préventionsida.org. Un message de la plateforme Prévention Sida avec le soutien de la COCOF et de la Wallonie. Radio Mixplore, un max de son dancefloor. Un max de son dancefloor. Que faire de tout ce qu'ils disent? Le guide a changé. On entend le bruit de ta caisse quand tu passes au quartier. Tu contrôles toute la zone depuis les Champs-Élysées. 700 chevaux, pile. poils de quoi quitter la ville. Les mecs m'embrassent comme si j'étais la mif. Ta sœur est belle, tu forces la bise. Je chante depuis Brigadier Sabali. Pousse-toi de la lance, pas par ici. C'est plus de Nîmes mais Aziz la malice. Ça casse plus vite, on s'en profite la manif. Les petites grimaces, les puissances. Plongé dans le monde de la nuit, de l'envie, des ennuis. Protège bien tes arrières. Regarde dans mes yeux, ce n'est pas la joie. Je garde la foi, je suis le chasseur, t'es la proie. Ouais, mais ça va être toi, seul je vais finir ma soirée. J'ai trop bu, je vais m'asseoir à croire qu'on m'a jeté un sort. Aujourd'hui tout va bien, hier ça a tiré. Y'a personne dans le quartier. J'ai tourné tout seul comme un fou dans les rues de Marseille. Je vois les gens essayer d'en tirer. Ils voulaient me la faire à l'envers, il est beau. J'suis pas le number one, mais j'écris, j'ai les gros. Album sur album, du doudou, il est chaud. De Maître Gims à l'instant avec Boucan en direct hein, jusqu'à 23h. Welcome tout le monde. Jusqu'à 23h, Alex Libre Antenne sur Radio Mix Floor. Et 22h25, on va se faire le Avez-vous vu Chantal là, en direct évidemment. Le rapport avec les saucissons ce soir, ouais. Jojo. Allez, bah c'est oui, parti. On est à plein dedans. Plein dedans le saucisson. Ah bah là, c'est la fête du saucisson. Ouais. Allez, allez. D'ailleurs, j'ai une photo de Quentin que je balancerai tout à l'heure avec un saucisson. Aucun souci. Okay. Je donne le matin, aucune. Ah, il a la photo dossier là, tout le monde là, Jojo. Jojo, c'est une histoire dossier, il est dossier sur tout le monde. Ok, bah Avez-vous Chantal, on va appeler Germaine là en premier. On va appeler que les Germaines ce soir. On va appeler que les Germaines ce soir, comme ça, t'auras pas 36 noms à retenir. Allez, c'est parti. J'espère que ça va répondre en direct. Dire que ça fait chier, franchement. Elle est toujours pas revenue avec. Chantal, elle est barrée que le saucisson. Ça tombe, Germaine, elle est bourrée. Ça tombe, elle est dessous, le saucisson dans le cul. Vous êtes bien chez Madame Durand? Ah, et ben, Durand, ce temps-là. Je ne préviens pas quand il rappelle, toi. Quoi? Rien. Non, on rappelle bien ton numéro. Hein. Allez, on appelle. On appelle trop tard. Ouais, peut-être. On va te faire son entier. Ouais, excuse-toi, je t'appelle tard. D'accord ? Excusez-moi de vous appeler tard. Putain, ça répond pas, on appelle trop tard. Ou elle est morte. Non, bah ouais, mais à chaque fois, on appelle trop tard.

bonne soirée, bon courage à tous ceux qui partent travailler. Merci en tout cas, et puis bonne nuit à tous ceux qui vont se coucher là. Parakeet à l'instant avec Save Me. On est ici évidemment jusqu'à 23h, ça se passe comme ça. Merci en tout cas de passer la soirée avec nous. Jusqu'à 23h, Alex Libre Antenne sur Radio Mix Floor. Je suis français, ils veulent pas que Marianne soit ma fiancée. On sera Black M dans quelques instants, je suis chez moi. Et puis vos messages également. Et puis la Libre Antenne jusqu'à 23h avec Ben qui est toujours avec nous. Ouais. Il y a Quentin qui est avec nous également. Il y a Jojo qui est avec nous également. Ça fait plaisir. En tout cas, très très bon. Avez-vous vu Chantal ce soir? Encore une fois, ouais. Énorme. On a foutu la merde dans 20 minutes. Ah, ça c'est clair. Entre le mec de l'hôtel qui attend encore le saucisson. Et puis la meuf qui va charrier demain en tout cas. Et qui va charrier Chantal. Entre l'autre qui a piqué la jambe de bois. Et elle va appeler Freddy. Tout ça va être le bordel. À cause de nous, il y aura des engueulades, ouais. Je suis sûr, mais bon. Mais après, ils vont se réunir autour d'un saucisson parce que voilà. Quoi. Le saucisson, c'est la vie. Le saucisson, ça, c'est. Hashtag Jojo aime le saucisson. J'adore le saucisson. Quant à Info Intox, on le retrouve à 22h39 en direct. Info ou Intox? C'est la question. Ouais, bah voilà. Allez, ouais. On t'écoute, Info Intox. Alors, qui connaît un petit peu l'histoire égyptienne? On va faire un petit peu de minute culturelle hein, pour montrer qu'on est quand même pas con. Bah, pas Ben en tout cas. Non, pas moi. Voilà. Ouais, un petit peu. Voilà. Donc, on démarre avec le premier Info ou Intox. Les deux plus grandes pyramides d'Égypte s'appellent Khéops et Abou Simbel. Info ou Intox? Oh, j'ai Intox. Intox, ouais. Ça me dit pas, ça me parle pas les noms là. Ça me parle pas non plus. Non, Ben. Info. Info. Eh ben, il y a que toi qui as faux. ça c'est dit. Donc c'est Intox. Ouais, ça me parle. Il s'agit de la pyramide de Khéops et de Gizeh. Ah, c'est ça, ah, Gizeh. Ouais. Voilà, donc Abou Simbel, c'est un temple égyptien qui a appartenu à Ramsès II. Ok, voilà. D'accord. Ramsès, on le connaît très bien. Ramsès, il est venu manger un saucisson. Exactement. Vendredi soir, au club. Et il a fait la danse du saucisson. Voilà. Sec. Ah, sec. Voilà. Info ou Intox numéro 2. Le baby boom se produit durant la période allant de 1945 à 1975. Info ou Intox? Info. Le baby boom? Non, ouais. c'est après, je crois. Non, moi j'ai info. Non, c'est après. C'est là où il y a le plus de naissances après la guerre, je crois. Non, c'était ça, info, moi j'ai rien. Donc info pour toi? Ouais. Non, moi je joue encore après, moi. T'as dit de quelle date à quelle date, pardon? 1945 à 1975. Ouais, non, mais si, ouais. C'est parce que c'est après la guerre, donc c'est là, ouais. Moi, parce qu'après, il y a eu la reconstruction et après, c'est le baby boom qui est arrivé, ouais. Ouais, non, j'ai info, moi. Je pense. Info. Info, bon, vous avez tout bon. Bah, lui, il copie sur nous, lui. Ouais, pose la question à Ben en premier. Là, tu copies sur nous parce que nous, on fait des trucs, on en discute, lui, Ben, ouais. Info. Donc, en effet, il s'agit de la période durant laquelle il y a eu une forte croissance au niveau démographique. Donc, ouais. Pas seulement en France, mais en Europe aussi. Mm-hmm. Et aussi dans le monde. Hein. Donc, en France, le baby boom a démarré dès 1942 et pas 1945. Mais c'est bon quand même. Ouais. Jusqu'en 1975. Et ce sont les bébés qui sont nés, enfin les bébés qui sont nés durant le baby boom sont devenus ensuite les papy boom. Ouais. Ok. Voilà. Ah oui, bah on a la période. C'est ça, ouais. Ok, bah tout est dit. Info Intox, à la suite. Troisième et dernière info Intox. C'était tout relativement rapide ce soir. Ouais. La ville de Marseille est une ancienne cité romaine. Info ou Intox? Info. La quoi? La ville de Marseille. Moi je dirais info. Info. Info. Pour Ben, ouais. Aussi. Et Jojo? Moi, je... Non, Intox, je sais pas. Je m'en fous de Marseille. C'est la culture, hein, quand même. Ah, t'as fait une vidéo en direct? Bah oui, ouais, et ça va, on est en train de faire le Info Intox. En live. Ah, excuse-moi, j'avais pas vu. Non, moi, non. Donc ouais, pour revenir au ouais, Info non. Intox. Non. Donc, Intox. Intox pour toi. Ben. Info. Info. Et Alex? Moi, j'ai info. Info. Eh bien, c'est Jojo qui gagne. Ouais. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de, il y a pas de truc romain là-bas. Exactement. C'est vrai. Hein ouais. Hey. Bon, le port. Je vais vous dire pourquoi. Donc, il s'agit d'une ancienne cité grecque. Elle est appelée la cité phocéenne en référence à une ancienne cité grecque d'Asie mineure qui s'appelait Phocée. Ah bah voilà. Et ce sont les marins grecs qui se sont occupés de bâtir le port de Marseille. Ouais, le port de Marseille. Ouais. Donc voilà. Donc j'ai gagné. La ville de Marseille est grecque. Et pas romaine comparé par rapport à toutes les villes en France qui sont romaines aussi. Ok. Voilà. Et bah tout est dit en et bah c'est bien. Alors Ben, demain tu déménages chez ta sœur? Ouais. Ah. Je me marre de mes parents. Hein? Non, mais je déménage pas chez ma sœur, j'aide ma sœur à déménager. Ah, ouais, ah c'est ce que je disais. Eh bah se lever de bonheur. Ah, pas une fois. Ah, tu vas te lever à quelle heure? Bah, je sais pas. Ah. Ouais, d'accord. Il va pas dormir. Ben, hashtag ta soeur, elle peut quand t'attendre. Hein. Avec le saucisson. Bye Perry à l'instant, évidemment, avec The Ocent. On est en direct, évidemment, jusqu'à 23h. Bonne soirée, bon courage et bonne nuit à tous ceux qui vont se coucher là. You can be my guiding light. keep me company in the night. That's all I need, all I want is for you to stay a little longer now. With arms around me like a border, like the air I breathe. I let you in, keep me warm underneath my skin. Cause I en direct évidemment avec le son de Mike Perry, Ocean, et puis vos messages évidemment avec l'autre sujet là, quelles sont vos pires vengeances. J'ai sauté la mère d'une de mes ex qui m'avait pris pour un con, bah ça c'est dit, voilà. J'ai soigneusement enculé sa meilleure amie là, qu'on nous dit là côté message. Il y a beaucoup de messages là qui arrivent en direct. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Julien, j'étais au lycée, une fille m'a lâché comme une merde, j'étais devant son lycée à la fin. Bien sûr, j'ai demandé l'attention de tout le monde en demandant où se trouvait la fille. Une fois trouvée, je lui ai dit de récupérer son string qu'elle avait laissé chez moi. Et vu que j'étais sa première relation sexuelle, on avait gardé ses séquelles. Et je regrette car la vengeance n'est jamais bon car on a toujours des remords par la suite et on se salit même vis-à-vis du regard des gens essayant de salir des tâches qui ne méritent même pas notre attention. Arrêtez-moi si je me trompe. Il a pas tort des fois, les auditeurs. Merci en tout cas, Julien, pour tout voir action évidemment. Ça se passe ici, on fera le top ou flop évidemment dans quelques instants. Et puis voir action ici également en direct. Là on sera un petit point foot là. Et puis on est là jusqu'à 23h, on bouge pas. On s'envoie quoi là dans quelques instants? On s'envoie Black M, Je suis chez moi, j'adore ce son. Je suis français, ils veulent pas que Marianne soit ma fiancée. Il arrive dans moins de 3 minutes. C'est ici que ça se passe jusqu'à 23h. Hashtag Alex, libre antenne sur Twitter, sur Facebook. Ça fait grave plaisir. Allez, à tout de suite les amis, merci de passer la soirée avec nous là. Radio Mix Floor. Un max de son dance floor. À 200 mètres, tournez à droite. Il faut vraiment que je trouve un garage. Allez sur idgarage.com. Pardon ? Sur idgarage.com, comparez les devis en ligne des garagistes près de chez vous. Lisez les notes et avis laissés par les clients et prenez rendez-vous sur Internet. Oh, très bien, merci. Vous avez oublié de tourner à droite. Oh, pardon. Idgarage.com, changez d'idée sur les garages. Conditions et détails de l'offre sur idgarage.com. Top raison numéro 4, d'être Sam ce soir. Ton compte en banque, tu sauveras. Allô, Monsieur Lartaud. Thierry Piquetou, votre banquier. Il s'est passé quoi hier soir, Monsieur Lartaud? Ouais, je sais. 240€ par carte à 2h du matin, 150€ à 4h et à 6h20, un billet d'avion pour le Bhoutan. Non, mais il y a erreur. Non, l'erreur, c'est de prendre un billet pour les antipodes quand on a une carte contre Piu-Piu, Monsieur Lartaud. Sauf que moi, c'est Sam. Lartaud, je l'ai ramené de soirée hier, il se réveille, je vous le passe. Mec, c'est pour toi. Je crois que c'est mort pour le Bhoutan. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Radio Mixplore. Quand les fantômes passent à l'attaque, qui est-ce qu'on appelle? SOS Fantôme. Nouvelles armes. Pourquoi c'est moi qui utilise le laser nucléaire qu'on doit tester? Tu as les bras les plus longs. Nouvelle équipe. On est les chasseurs de fantômes. SOS Fantôme en 3D. Il va se passer un truc énorme. Actuellement au cinéma. Radio Mixplore, un max de son dance floor. Un max de son dance floor. Tout le monde me regarde. À travers mon innocence, je pense qu'il me charme. Ma maîtresse d'école m'a dit que j'étais chez moi. Mais mon papa, lui, pourtant se met fidèle. Est-elle fidèle? La France est belle, est belle. Mais elle me regarde haut comme la tour Eiffel, Eiffel. Mes parents m'ont pas mis au monde pour toucher les aides, les ailes. J'ai vu que Marion m'a tweeté de quoi elle se mêle. Je sais qu'elle m'aime. Je suis français. Ils veulent pas que Marion soit ma fiancée. Peut-être parce qu'ils me trouvent. Je pensais pas que l'amour pouvait être un combat. À la base, je voulais juste lui rendre un hommage. Je suis tiraillé comme mon grand-père, ils le savent, c'est dommage. Jolie Marianne, Marianne. Je préfère ne rien voir comme Amadou et Mariam. Je t'invite à manger un bon mafet chez ma tata. Je sais qu'un jour tu me déclareras ta flamme. Aïe aïe aïe, je suis français. Je suis chez moi, chez moi, chez moi, chez moi. Je suis chez moi, chez moi, chez moi. Je suis chez moi, chez moi, chez moi. Je suis français, chez moi, chez moi. Ils veulent pas que Marion soit ma fiancée. Chez moi, chez moi. Peut-être parce qu'ils me trouvent trop français. Chez moi, chez moi. Laisse-moi juste l'inviter à danser. Chez moi, je vais l'ambiancer. Je suis français. Ils veulent pas que Marianne soit ma fiancée. Non. Peut-être parce qu'ils me trouvent trop français. Laisse-moi juste l'inviter à danser. Je vais l'ambiancer. Je suis noir, je suis beurre, je suis jaune, je suis blanc. Je suis un être humain comme toi. Je suis chez moi. Fier d'être français d'origine guinéenne. Fier d'être le fils de Monsieur Diallo. Éternellement insatisfait. À suivre. Énorme carton de Black à l'instant, je suis chez moi, on est en direct hein, jusqu'à 23h, c'est ici que ça se passe. Du lundi au jeudi, 21h, 23h, Alex Ibrantel sur Radio Mixplore. Flore, flore, flore. Allez, bonne soirée tout le monde. J'ai voulu parler mais mon micro n'était pas allumé. Ça arrive. On va se faire tout de suite le top ou flop, évidemment en direct là, est-ce que c'est plutôt top, est-ce que c'est plutôt flop? C'est parti la dernière rubrique évidemment cette émission. Alors top ou flop, Paris Plage, vous connaissez tous Paris Plage? Oui. Ils pourraient retirer cette année le sable pour mettre des copeaux de bois à la place. Et je vous dis que c'est pas une connerie, hein, c'est vrai. Oui, j'étais... on a entendu parler. Ouais, alors s'ils voudraient retirer le sable, alors, ils parlent que c'est moins écologique, enfin je sais pas trop quoi. Ils voudraient mettre soit ils voudraient mettre des copeaux de bois. Alors, ouais, est-ce que vous êtes plutôt top, est-ce que c'est flop? C'est flop total. Bon, en tout c'est cas, flop. Je dirais flop total parce que c'est plus le délire de la plage. Ouais, mais bon, du coup, toi, Ben, ce serait quoi, flop? Flop. Et puis, copeau de bois, ça fait mal. Ouais, c'est Paris copeau de bois. Que... Paris copeau de bois. Non, mais copeau de bois, ça fait mal quand t'as gagné. Non, mais c'est un flop. Tu vas finir avec des enfants. Parce qu'en fait, c'est quoi le Paris plage? Je connais pas trop le concept. En fait, c'est alors, que la Seine, il ferme voilà. Un petit bout et genre, les gens peuvent se baigner. Alors, non. Non, ils ont pas le droit de se baigner. Ils ont pas le droit de se baigner parce que la Seine, c'est pollué. Ah ouais, c'est une plage montée comme ça sur les rives de la Seine. Ouais. Et les gens ont des transats et tout ça pour bronzer. En fait, c'est une plage quoi. T'as des bibliothèques, tout ça en plein air. Ouais. C'est voilà, c'est et t'as le sable. Okay. C'est ça qui fait le charme de Paris Plage, sinon ça sert à rien de mettre Paris Copeau de Bois. Ok, donc est-ce que toi, top ou flop, Jojo? Non, flop. Ouais. Ok, Quentin? Flop aussi. Bon. Ouais. Flop, on va de toute façon, à Paris, en ce moment, ils font plein de flops. Hein. On va les confondre avec des lapins. Pourquoi? Plein. Il y a eu la journée sans voiture. Ouais. Donc, sur apparemment, Paris. C'était une totale. Ça n'a pas marché. Hein. Alors, ça n'a pas marché. Moi, j'ai quelqu'un de Paris, un auditeur qui est Paris. Il m'a dit je lui ai dit, mais tu dois pas être emmerdé aujourd'hui avec la journée de la voiture. C'était dimanche. Et il m'a dit non, mais c'est de la merde parce qu'il y a plein de voitures qui passent. Ouais, voilà. Et oui, il y a une baisse de pollution à certains endroits où il n'y avait vraiment pas de véhicules, comme sur les Champs-Elysées. Mais ça a foutu plus un bordel phénoménal dans Paris qu'autre chose, quoi. Après, il faut encourager ce genre de choses, mais c'est vrai que là, cette année, c'est un peu. Tout sans trottinette. Ouais. Voilà. Il l'avait fait une fois dans notre ville, ça, une journée. On l'a fait plusieurs fois ici. Ouais, on l'a fait plusieurs fois et après, on a arrêté parce que c'était cher. C'est un bordel à la circulation. Bah, ouais. Ça dépend. Ouais. C'est... Journée sans bus, je te demande pas le bordel. Ah, voilà. Nouvelle émission sur C8 là, qui va sortir. Ça arrive le 15 octobre à 11h, qui va s'appeler Pop-Up. Je sais pas si on a entendu parler. Nouvelle émission là, qui va s'appeler Pop-Up. Non, c'est vrai en plus. Pop-Up sur C8, ça arrive le 15 octobre. Je suis compris Poppers. Ouais, je crois compris ça. Ouais, je me suis douté parce que. Pour une fois que c'est pas moi. Et ça va être une émission où ils vont présenter. Ils vont présenter les derniers artistes du moment. Ils vont aller voir des chanteurs. Et ils vont demander aux chanteurs c'est quoi leur playlist musicale. Alors, qu'est-ce qu'ils aiment, etc. Donc ce sera une émission un peu sur la musique, la culture musicale, les artistes, leurs singles, leurs dernières beautés. Est-ce que c'est top, est-ce que c'est flop? On va commencer par Ben. Bah, ça peut être top. C8, il lance beaucoup de trucs en ce moment. Ouais, trop. Mais bon, et le truc, c'est qu'il lance pas tout d'un coup au mois de septembre, c'est qu'il lance au coup de goutte. Là, ça démarre au mois d'octobre, après, il y a des trucs au mois de novembre, décembre. Et une nouvelle émission en janvier, là, je crois, le Big Deal, ça va arriver dans le courant là. Bah, c'est encore en pourparler. Ben. Moi, je pourrais dire que c'est top. Top. Ouais. Là, mais l'émission de Coé, Benjamin Castaldi, tout ça, là, ça va arriver en janvier. Oui. Ça, hein. Ouais. C'est, les dates sont pas encore tombées, mais. Ok, donc toi, c'est dire top, toi. Ça peut marcher. Ok. Je sais pas si ça va durer combien de temps, en tout cas, mais ça débarque à 11h, donc ça sera en fin de matinée, donc ça sera plus pour les ménagères. Pour les gens qui travaillent, etc., on sera plus pour les ménagères. Donc, ça, non, un flop. Top ou flop, toi? Non, flop. Ok. Flop. Parce que c'est des artistes qui sont un peu plus connus. Ouais. Je veux dire, ils vont pas prendre Pierre Bachelet, pardon, désolé, il est plus là. Enfin, des vieux artistes pour dire ce qu'ils aiment. Ouais. Donc, ça va attirer un public jeune, mais public jeune, il faut pas oublier qu'il sera en cours. Donc, non, je vois pas l'intérêt de cette émission. Flop. Flop. Ok, on suivra ça un petit peu. Quentin, un top ou flop? Moi, je dis flop. Puis ils auraient pu faire ça sur l'autre chaîne de C8, C-Star. C-Star, ouais. Ah ouais. Ah ouais, c'est vrai. J'aurais pu le faire là-dessus. Ah ouais, putain. Ouais. Ouais, parce que c'est vrai que ces stars, c'est vachement suivi. Ils cartonnent ces stars par rapport à leurs clips, là, qui leur, surtout leurs dédicaces à la con. Pourtant, c'est un vieux système, ça, les trucs dédicaces, t'envoies par SMS. Ouais. Et ça marche. Hein. Là, oui. Ça marche. Moi, j'ai déjà relancé les dédicaces, je l'ai déjà reçu, hein, en direct. donc voilà. j'étais content, j'ai dû attendre quand même 3 quarts d'heure. Ouais. J'étais en truc de ski, là, je me rappelle. J'ai attendu 3 quarts d'heure pour avoir ma dédicace sur DJ7. C'est vraiment une vie de merde. Hein. Ouais, effectivement. Ouais. Bah, des fois, ça passe pas le même jour même. Hein. Ouais, ça passe. Tu envoies de dédicaces. Bah, moi, en tout cas, j'avais pensé plusieurs fois et j'avais pensé une fois et c'est arrivé même pas 20 secondes après. Ouais, ça dépend. Ça dépend les moments, je pense. Ouais. Donc voilà. Et dernière top ou flop, il y a une nouvelle application mobile qui va sortir en tout cas pour choisir. Écoutez bien, c'est pas une connerie, ça va arriver là. Je crois que ça sort même aujourd'hui. Pour choisir son donneur de sperme. Nouvelle application mobile pour choisir son donneur de sperme. Alors par évidemment physique, nationalité et même profession. C'est-à-dire que la femme c'est en Angleterre. Voilà. Par la femme qui veut choisir un donneur de sperme avec la profession, si par exemple s'il veut faire pompier, et ben ça lui envoie une notification d'un mec qui est donneur du sperme qui est pompier et comme ça pourra le récupérer. Donc c'est une application, ça marche. Est-ce que à votre avis c'est top, est-ce que c'est flop? Moi perso je trouve ça ridicule, mais bon bref. Top ou flop? C'est flop, c'est ridicule. Ouais flop. Franchement. C'est un peu c'est un gadget pour rien, c'est quand même des trucs assez sérieux parce que ça met au moins. Ouais, c'est un flop. Donc flop pour toi cette application. Flop. Donc, on suivra parce que je sais que toutes les semaines, enfin moi en tout cas je fais un petit tour là-dessus sur les Android et puis l'Apple Store, ils disent un peu les classements des applications qui marchent le plus. J'essaierai de suivre un petit peu ce que ça donne. Moi, pour l'instant c'est sorti en Angleterre. J'ai une info parce qu'on a parlé des lunettes Snapchat. Ouais. Hein, vous avez peut-être vous avez entendu parler, donc ça y est c'est sorti. Ouais. 152 dollars. pour la lunette. Ah, du coup, ça va faire une centaine d'euros. Voilà, ça va faire. Ouais, en fait, mais ça, je trouve très mal ça. Ouais, c'est, en fait, les lunettes de Snapchat, c'est qu'on a parlé avec Al il y a 2-3 jours. Ouais. C'est les lunettes qui vont être reliées directement en Bluetooth par avec ton Snapchat. Donc, c'est une lunette que Snapchat, tu peux pas faire autre chose avec. Et en fait, en gros, tu peux te promener dans la rue et en un simple, je sais même pas, un clic. Ou je ouais, c'est pas, un. Ouais, un c'est... clic sur le côté, au côté de ta lunette, et bah, tu peux prendre un Snap et c'est directement mis sur ta story. Et tu peux faire des vidéos longues aussi. Ouais, des vidéos longues, ouais. Je comprends pas le concept en fait. Bah, en fait, la vidéo, c'est des lunettes en fait. Ouais, c'est des lunettes avec une caméra. Avec une caméra intérêt. Ouais, mais ça filme que le devant. Si tu veux bouger sur la gauche, bah tu bouges ta tête sur la gauche. Ouais, en fait, les lunettes, c'est la caméra en fait. Ouais, voilà. Donc voilà. Les 152 Il n'y a pas de caméra selfie. C'est ça que vous voulez savoir. Ah oui, voilà. Non. En fait, si tu fais du skate, parce que si tu fais du skate, tu peux filmer, GoPro, tu peux faire. Voilà. Ouais, c'est comme une GoPro. Ouais, c'est ça peut dire. Là, ouais. Un peu le truc dans ce style-là, ouais. Ouais, 152$, ouais, ça fait un petit peu 130 euros. Ouais, c'est cher quand même. Ouais, parce que c'est, En plus, ils sont moches. Ah ouais. Ouais. Ah bah, en même temps, avec une caméra intégrée, ça doit être gros les lunettes. Ouais. Ouais, franchement, ouais. Donc voilà, l'application mobile, top ou flop, Jojo? Non, flop. Ouais. Non, je trouve ça. Je pense qu'il y a autre chose à faire que. Que c'est ça, quoi. C'est vrai. Top ou flop, Quentin? Moi, je trouve ça top. Pourquoi? Ouais, parce que maintenant, pour les donneurs de sperme, tout ça, t'as beaucoup de démarches à faire. Là, en un seul clic, tu peux réussir quand même à gérer cette démarche-là, justement. Ok. Donc, je trouve ça assez cool. Enfin, cool. Ouais, c'est bien réfléchi. Par contre, je me suis toujours demandé si vraiment, comme à la télé, donneur de sperme, si vraiment c'était arrivé dans une pièce et qu'il donnait des magazines de cul et des films de cul pour te branler. Ah ouais, non, c'est chou. Si, c'est des cabines et tu y vas, tu te branles et tu donnes ton. Voilà. Ah, tu l'as déjà fait? Non, mais il y a des reportages sur ça, il faut regarder un petit peu. J'ai pas eu le temps de regarder des reportages sur les donneurs du sperme. Moi, les seuls reportages, c'est sur les forains qui font la gueule sur W9 et sur enquête policière. Sur W9, enquête d'action, c'est toujours les mêmes trucs sur le raid. Ça, c'est l'impression qu'ils passent leur vie là-bas. T'as rien les mêmes. Ils ont encore à faire une, nous, d'enquête d'action. Nous, on va faire une enquête d'action. Ah ouais? On avait dit qu'on allait essayer de lancer une enquête d'action, nous aussi. Les raids aussi du vendredi soir au club. Ah ouais. Ouais, aussi, en fait, avec Jojo, on a plusieurs projets avec la Libre Antenne, on va faire des parodies télé. Ouais. Enfin, ouais, en tout cas. Faut expliquer ce que c'est que raid en langage. Quand t'as ça y est. Vas-y, explique. Pour l'instant, ma bite est raid. Allez, vas-y, de quoi? C'est quoi? On n'est pas écouté que sur Calais, donc il y a certaines personnes qui ne savent pas ce que c'est que le mot raid en langage. Ah bah ils vont sur défoncer quoi. Alcoolique. Ils vont sur Google. Ah, tu parles de. Ah, la définition du. Alcoolique, moi je croyais que tu parlais des flics, le raid. Ah non. Qui veut dire? Qui veut dire bourré. Non, mais je parle des flics. Les flics, l'unité spéciale, les raids. Ouais, on s'en fout. Okay. Ah, vous avez compris. Non, mais c'est pas que dans le Nord que tu dis raid. Hein. Non, c'est dans toute la France que tu dis que t'es quelqu'un raid. Ouais, ça y est. Raid, c'est connu partout quoi. Non, ouais, il y a pas que. Ça va, dans le Nord, on n'est pas non plus. Tout le monde, hein, l'autre. Ouais, y a pas tout de suite. J'ai la bite qui est raid, ça se dit partout en France. Bon, allez, bonne soirée en tout cas, on s'en rejoint évidemment. Dès demain, on aura le. C'est déjà fini, ça va. Ça passe vite, 23h là. Demain, on aura le défi là, comme. Et puis évidemment, demain, on s'est dit, allez, vu que Ben il fête son anniversaire. Ça va être pour ma gueule. Ça va être, hein. Ah oui, c'est que toi demain. C'est quoi toi demain? C'est ton anniversaire, donc demain. On va faire un petit peu. Bah tiens, j'ai trouvé mon défi en direct. Et moi, j'ai peut-être. Dernièrement, la FA DJ Save, je m'en rappelle, son anniversaire. Et moi, je dis qu'il faut le costumer demain. Demain? Ouais. Trouve le costume. Ah, bah t'inquiète pas, je vais ramener un costume. Ah. Et perruque. Ah. Je vois de quoi tu parles. Voilà. Et bah voilà, on a trouvé le truc. Et on ramènera un beau gâteau d'anniversaire pour Romain. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Avec de la bonne chantilly. Ouais. Putain, c'est pas truc. Bah voilà, en tout cas, ça sera demain soir à suivre, évidemment, le directeur des filles. On fera les live vidéos et tout, rassurez-vous. L'Europlay également, parce qu'il était énorme ce soir, on va le garder. On va demander au sélecteur de sélecter et de couper ce son. Le avez-vous Chantal ce soir, on va pouvoir le retrouver dès demain. Ouais, on peut mettre aussi le gars, hein, de l'hôtel aussi. Ouais. On peut essayer. Il était bien, il était sympa. Il était pas mal, ouais. On n'a pas parlé du jeu Facebook pour le match de Lens. Bah si, on l'a dit au moins 3 fois. Ouais. Oui. Ça sera le résultat de demain. Il faut peut-être annoncer un gagnant ou quoi. Ah non, ce sera demain. Ça sera demain. Demain, oui. Bah oui, malheureux. Non, oui, ça sera demain, ouais. Mais rassurez-vous en tout cas. Ils peuvent encore s'inscrire. Hein. Bah oui. Ah bah oui, bah explique un peu. Jusque demain soir. Ah, explique un peu, c'est quoi alors? Alors tout simplement, vous venez mettre votre commentaire sur la photo qu'on a mise des places disponibles pour le Racing Club de Lens, qui joue face au Red Star vendredi à 20h au Stade Bollaert. Ouais. Et celui qui sera tiré au sort repartira avec ses 3 places pour le match. Voilà. Donc dernier délai jusque demain 23h. Voilà. Tout est dit. Tout est dit. Oui, d'ailleurs, il faut pas que j'oublie la petite lapule parce qu'on va me l'envoyer. Donc pour le match de basket, on est partenaire d'ailleurs, c'est le match de la SLP à Calais, c'est contre l'Union, c'est contre Saint-Amand, c'est leur premier match à domicile. L'entrée est gratuite, pour information, je crois que c'était payant l'entrée gratuite. Ah, c'est, bah, c'est bien. C'est de la National 2 quand même, hein, donc il y a un gros truc en jeu. Une bonne ambiance. Donc ça se passe à salle Jacques Jacob à Calais. C'est bien. Bon, le père de Romain Jacob. Ça va être heure. Voilà, pour information. Et création et photographie, c'est Delruy Valentin qui a fait l'affiche. D'accord. Je sais pas, je vois en direct, il faut peut-être le féliciter. D'accord. Félicitations. Ah, voilà, on félicite Delruy Valentin. Et on souhaite attends, une. Ah, putain, ils ont fait un événement Facebook. Bah, vas-y, il faut partager l'événement Facebook. Oh, non, bah, attends, je vais faire. L'émission n'est pas terminée. Je vais faire intéresser. Attends, j'y participe. Il y a du monde qui. Putain, l'événement, il y a du monde. Ok, nous vous attendons très nombreux pour soutenir nos Calaisiens pour le premier match de saison de Calais. Ok, bon, ça marche. Bon, en tout cas, merci, bonne soirée à vous. On s'en joue évidemment dès demain 21h23. Pour la Livre Antenne, vous souhaite une très très bonne soirée. Comme quoi, tout la retourne, prix pour le service civique pour 8 mois. Oh, il va bosser une cité, ce con. Oui, okay. Hashtag, on peut dire au revoir que je m'en vais dormir. Attends, mais je lis. Elodie en train d'écouter les antennes. Rendu X MDR. Oh, bah, ok, bah. Okay, bah, allez, bonne soirée à tout le monde. On s'en joue évidemment dès demain, 21h23. T'es là, Jojo, demain? Bah oui, demain je suis là. Ah oui. Il va faire le costumier. Oui. Il va faire le costumier de. Et il va pas le découvrir avant. Voilà, Quentin découvrir... n'est pas là demain soir. Oh. Ouais, non, je suis pas là demain soir, mais je suis là vendredi soir pour le Plate Mix. Ah. Oh. Ah. Ouh. Voilà, en tout cas, bah, restez avec nous. En tout cas, la musique, vous entendez ce soir, parce que je vois les messages là, la danse du saucisson, c'est pas mal. Je voudrais faire un single. Rassurez-moi, on est en train d'y penser. Ouais. On va faire un truc avec devenir la danse des stars. Les stars du saucisson club. Ouais. Bon, allez, merci à tous. On se souhaite une très bonne soirée. Bonne soirée, les amis. Bonne soirée, ciao. À demain. Ciao. À demain, 21h. Ciao. Ciao. Anywhere you want to go, I follow. De son dance floor. Radio Mix Floor. Radio Mix Floor.

But I'm only human. Just what can I do? 'Cause I feel the fusion when I'm there with you. We're all chemicals, coals, coals. We are. Radio Mix Floor. Radio Mix Floor. Radio Mix Floor. Radio Mix Floor. Radio Mix Floor. Un max de son dance floor. Shine. Oh yeah, yeah, yeah. Let's get to work on time.